Cette émission vous est présentée sous le sceau du CRBO. Le regroupement des comiques recrues boycottées par les Oliviers, fondé par le BOM Intello, afin de préserver la liberté d'expression aux petits comiques que nous sommes. Si certains propos énoncés lors de cette émission parvenaient à froisser vos oreilles puritaines, veuillez cesser d'écouter immédiatement. Pour tout renseignement, adhésion ou demande sur le CRBO, veuillez communiquer avec le BOM Intello, PDG fondateur et membre à vie du CRBO, à l'adresse email lebomintello@hotmail.com. Merci et bonne émission. Don't be inquiète. Très, très excellent. Les rapports sur la santé qu'on enterre plus vite pour les photocopies. Les rapports sur l'agriculture, on est au bord de la catastrophe. Les ponts tombent, les rues défoncent à Montréal, au coin d'Amherst, ça a été sur Sherbrooke. La rue a défoncé, câlisse. Et c'est resté, ça a pris des mois à le remplacer. Personne ne dit rien, on est les plus blottes. Pendant ce temps-là, de quoi on parle? Bouchard Taylor, sacrément. Ah, nos ancêtres, je sais pas que c'est qui en passerait. Laisse faire les ancêtres, les rues, l'éducation, le monde sait-tu lire? Non. Les hôpitaux, ça marche-tu? Il y a des problèmes. Alors, les gens pelletent. C'est comme essayer de pelleter la mer dans un petit trou sur la plage. Ça... Et ça s'effondre de plus en plus. On n'arrive même pas à formuler une réforme qui se pourrait tout de suite. Ça te pète des mains. Il n'y a rien qu'on arrive à attraper. Et pendant ce temps-là, on parle de notre identité. De quoi on parle? Attendez-vous à ce que le Canadien bouge. Et attendez-vous que le Canadien bouge. Sérieux. Il n'y a pas une équipe au Canada qui va bouger aussi fort que le Canadien. Ça veut dire que le Canadien actuellement là, est après manigancer, appelle ça comme tu voudras, une transaction importante selon moi. Et maintenant, je suis persuadé, tabarouette, que le Canadien est en train de jouer gros et fort possiblement. Il y a quelque chose de plus gros qui attend les amateurs du Canadien. Alors moi, je dis que attendez-vous à ce que le Canadien annonce aujourd'hui quelque chose de big. Cette année, pour la première fois depuis que je suis dans le milieu, je fais ce call-là, puis j'espère ne pas me tromper. Enfin, je veux dire, ce qui m'a mis un peu la puce à l'oreille, c'est que je jouais pas ce soir, et puis à partir de là, je veux dire, tout était possible, mais j'envisageais quand même fortement de finir la saison à Montréal. Guy, ce fut une très longue journée pour les dirigeants, pour les joueurs, mais tu dois être très heureux de la façon dont Carey Price répond et la façon dont tes joueurs répondent jusqu'à présent. Ben écoute, c'est sûr que depuis le début de la saison, on est heureux avec lui. Je pense que c'est un gros statement qu'on a fait aujourd'hui en échangeant Chris Lebal, on espère qu'il va faire la job. Merci beaucoup, Guy. Formations qui se sont le plus améliorées en cette journée des transactions. J'ai jamais vu des visages de carême comme il y en a beaucoup dans la salle. À peu près une heure. Et ça, pourquoi, Alain? Ben, c'est parce que le Canadien n'a pas bougé. Ben, a bougé, mais dans le mauvais sens. Dans le mauvais sens. Il y a Raphaël qui a dit quelque chose tantôt. Il a dit ce que Bob voulait dire. Ah oui. C'est que c'était pas un joueur d'impact, mais un joueur de l'impact. Ce que l'on devrait non, faire. Non, mais sincèrement, ouais. Le Canadien s'est rendu là avec l'équipe qu'ils ont. Mm-hmm. Christophe Allouet en moins. Ouais. Ça a été un gros morceau, veut pas. Ce que l'on devrait faire, peut-être, c'est vendre le Canadien à Hydro-Québec. Eux autres vont en mettre des compteurs sur la glace. C'est ça que tu voulais dire. Bon, je alors, pense le Canadien de Montréal... s'est fait en... Ouais, on n'est pas tout seul. À pouvoir manquer des jokes, finalement. Ouais, c'est une fois, c'est un gars qui était deux, il rentre trois dans la place, ça se casse à la table, commande Saint-Pierre! Oh, que run, c'est planté et solide à c'est part de ça. C'est big! Oh, oui! Oh, monte ça, man! Rock! Et quelle soirée endiablée. Bonsoir, bienvenue à une autre édition d'En direct de nulle part, la 21e. Oui, la 21e de l'histoire 2007-2008. On a passé la 20e bien free, sans le dire à personne. En réalité, c'est la 22e. Ouais, c'est avec ça. Avec l'avant-show qui comptait pas, là, c'est l'émission zéro, comme on appelle. Yeah! Et vous êtes une fois de plus sur Tactical FM en rediffusion ou encore en direct avec nous le vendredi soir. Sur Radiosphère, Franco Radio, XL Tracks en français, puis sur notre serveur maître à eddnp.com. Et voilà. Bienvenue à tout ce beau monde et installez-vous comme il faut dans la flow. Hey, salut Mr. M. Hey, comment ça va? Hey, ça va super bien. Salut PR. Ah, ça va bien. Un 4 en 4. Bien, un 4 en 4, ça attention bien. Là. Hey, on a un invité spécial pour vous ce soir, mesdames et messieurs. Botrax, alias Mr. B, maintenant membre, collaborateur officiel, sporadique, mobile, dans direct de nulle part. Ben, Chris, j'ai pas le choix, vous êtes à côté de chez nous. Ben ouais, regarde. Bientôt, lui. Bientôt, vous verrez sa photo sur le site web. On a déjà créé sa fiche. Ah ouais? Oui, sa fiche est déjà créée en tant que membre officiel. Ça, ça coûte pas cher, hein? T'amènes une couple de bouteilles de phare, là. Ben oui, t'as la carte de membre à vie. On est facile à soudoyer. C'est ça, tu viens faire un spécial dégustation de boissons, puis tu rembarques dans l'équipe, c'est... ça, c'est sûr. Et certain. C'est le même jour, là, si. Comment ça va, Botrax? Comment ça... J'ai fini mon mini, là. Une bouteille de vide, les amis. Ils contrôlent les hauteurs, là, on les niveaux. On va téléphoner les rouges. Ah, ils sont offline, en plus, les rouges. Ah, moi, ça fait le bain, ici. Ouais, tout est beau. Ils nous ont amené un paquet de chips. La couze va capoter quand elle va embarquer ici. Alors. Ah oui, la couze, elle vient? Ouais, c'est moi, je veux juste pas qu'elle me passe par-dessus, man, en voyant tout ça. Là, hey, man, toi, là. C'est jouer avec le feu, comme on dit. Commence tout de suite si tu veux pas trop en perdre. Ce soir, une émission d'André de Déport tout à fait spéciale. Une fois de plus, ça nous fait plaisir de vous présenter ça. Mais, hein. À soir, Mr. T nous fait une actualité commentatée bien spéciale. Ah oui, très, très spéciale. Vous allez voir ça. C'est très, très bref comme actualité commentatée. On va vous expliquer ça après à tout. Ouais. Puis t'as une grosse nouvelle aussi. Oui, ben, ça se trouve à être mon actualité commentatée. Ah, c'est ça. on en dira pas plus. OK, c'est bon. On a aussi Mr. PR qui est en train de gosser. Sir. Toujours sur Internet. Je réponds aux internautes. Ben ouais, oui, là, t'es sur le MSN, toi. Live. Et je parle avec monsieur le bon Intello. Oh, hey, salut, bon. Salutations au bum. Salut à Oli Sirois aussi, je sais qu'il est branché. Il est branché, oui. Salut à Steph et Isa aussi, live de Valleyfield, qui sont en train de nous écouter pour la première fois. Oh! Et salut à toi qui a décidé de peser sur Play aussi pour nous écouter. Est-ce que t'es smart, sérieux? Parce que, hey, souvent tu dis, je pèse-tu? Et d'un coup, j'aimerais pas ce que j'entends. Ben, si t'aimes pas, t'as juste à peser sur stop. Ben, c'est ça. Valleyfield, c'est un de mes coins, ça. Yeah! En passant, comme vous l'avez entendu, pour ceux et celles qui écoutent sur le grand réseau de nulle part, peut-être que vous avez pas entendu que l'émission que vous écoutez est protégée par le CRBO. Les comiques recrues boycottés par les Oliviers, un mouvement qui a été parti pour être sûr qu'on soit bien protégé. Bref, ils protègent la liberté d'expression et c'est la clé vers la liberté d'expression. D'ailleurs, le Bob Intello, qui est le président fondateur, membre à vie, on est en train de travailler sur des grosses affaires là, pour le CRBO. Il y a toutes sortes de projets. Là, oui, ben, on est en train de finir de monter la charte. Entre autres. Oui, on a aussi déjà commencé à faire du recrutement pour des autres membres. C'est vrai, puis il y a des projets secrets aussi qu'on peut pas vous dire encore. Et je peux vous officialiser quelque chose. Le 11 mai sera le lancement officiel de la campagne du CRBO niveau international. Wow! Kick ass! Et ceci se passera live sur les ondes de Bonne Semaine. Bonne Semaine! En l'honneur des Oliviers qui se présentent le 11 mai. On n'en dit pas plus. Ça va être de la concurrence. On n'en dit pas plus. C'est mon alto aussi. Les paris sont ouverts. Ouais. Mr. Gunn nous a appelé. Ceux qui ont écouté l'avant-show, vous avez peut-être entendu Mr. Gunn nous appeler. L'avant-show qui a cette semaine a commencé à 8h, à 7h30. Je sais pas trop pourquoi, mon ordinateur était déphasé. Il y a pas juste toi qui étais déphasé de ta semaine, l'ordi aussi. C'est un tailgate avant-show. C'est ça. Pré-show. C'était l'avant-avant-show. N'ajustez pas votre appareil. Non. Ben non, on était juste bien pressé de reprendre le micro bien vite, là, pis on s'est dit, ah, regarde, fuck off, là. On commence l'avant-show, là. Ben en fait, c'est que le thème de l'avant-show est parti, pis nous autres, on a suivi le thème, c'est comme des câbles. Ouais, mais tu sais, faut se dire aussi que l'avant-show, c'est un privilège des serveurs maîtres seulement. Ça veut pas dire qu'il y en a tout le temps un, mais le trois quarts du temps, on aime bien prendre le micro pour se réchauffer. Ah oui, c'est ça. Oh, Ron, as-tu quelque chose à nous dire ce soir? On est 12 en studio ce soir, c'est tellement un gros match que ce soir, on est 12 004 ce soir, on se parle, tout ça, parce qu'on était nerveux. On est juste 4, c'est en masse. Ben c'est ça, hein, Ron? Ben, j'ai pas assez stock pour toi. C'est ça. Même ça se fait. Merci d'avoir là. Ben, moi, je suis plaisir. Run. Run va être content de savoir que le Canadien a pris l'avance 2-0 contre Buffalo. Et ça, sans Mariano Sol. Oui. Et sans Cristobal Huet. Ouais. Oh. Ça fait. Avec qui devant les buts? Ah, le jeune Price. Carey. Le jeune Carey. Ouais. Carey. Mais Price. Moi, j'ai ma petite logique à propos de ça. On va parler de ça pendant les sports, hein, ouais. Les échanges canadiens. Ouais, ouais, c'est sûr. Pat, tu nous fais un gros volet de sport ce soir. Hein? Intense. Intense. Ça va être intensif. Je tiens à souligner qu'on est à mi-chemin en deuxième période et Cristobal Huet en ligne pour un jeu blanc. Oh! Mm. Ah ouais, c'est avec sa nouvelle ville. Avec les Caps de Washington. Tout va bien pour Crystal Ball. Ben oui, ben oui. À quelque part, je suis quasiment content qu'il soit sorti de Montréal, parce que là, les journalistes commençaient à exagérer un peu. Ben, comme il disait dans la conférence de presse, t'es tout le temps sur le spotlight. Ouais, fait que quand ça va bien, ça va bien, mais quand ça va crissement mal. Exact. Pourquoi? Ouais, parce que même que ça aille bien ou que ça aille mal, t'es sur le spotlight à Montréal. En tout temps, ça c'est ouais, clair. Nomme-moi un joueur du Canadien, depuis le début de la saison, qui a pas passé au spotlight. Non, c'est vrai, t'as raison. Son pas un. T'arrives de Hamilton, ben, Kovalev, t'es sur le... Non, Kovalev est rendu sur le spotlight ces temps-ci parce que là, ouais, ça va bien raisons, pour lui. Mais ouais. Avant, il était sur le spotlight parce qu'il ne produisait pas. Peut-être Dave Morissette. Ouais, c'est vrai, il a scoré deux buts au premier match. Sauf que là, il est sur le spotlight, mais depuis qu'il fait de la radio. Ouais. C'est ça. Ça, c'est un autre problème. Il fait de la télé. De la télé aussi, c'est vrai, à RIS. C'est quoi, le hockey, ça paye pas assez, là? Ouais. Ouais, en tout cas. Ben, lui, dans le cas de Dave, il a jamais passé des produits pour les stéroïdes pour augmenter ses performances. Ah. Ça. Ah. Mais dans le cas de Dave, ça non plus. Ça marche sa radio, sur les stéroïdes? Je pense qu'il avoir une grosse voix. Parce que, bonjour. Bonjour. Non, c'est pour te faire parler plus vite. Pour pitcher plus d'informations, plus rapidement, bien compréhensible. On va faire les encans, les enchères. Ou... Non, mais j'ai déjà essayé de faire une cote de radio en revenant d'un after hour. C'est pas bon, hein? Ben oui, tu le fais quand t'es dans le moon. Tu te comprends. Ben, quand tu vas te coucher pis tu veux le réécouter en tellement, tu te tapes. C'est là que je donne mal à la tête, moi. J'ai été capable de tout dire ça en une minute. C'est capable. Mais c'est correct que ça passe pas le monde qui écoutait à ce moment-là. Ouais. C'est ça. Également, ce soir, on a la cause est de retour. Ben là, on avait Grill qui est, je suis pas sûr qu'il va être là parce que là, il est sur le party. Il avait tout acheté son stock pour partir en campagne. Pis c'est là, ça, puis finalement. Il part plus en campagne. Ben non, Dion a dit non. Donc, il va faire quoi? Il va tout boire ça dans son boire ben, il est sa brosse depuis mercredi soir qu'on y a parlé. L'autobus est réservé pour un mois et demi. Fait qu'il a dit, je prends des vacances, je décrisse. Fait que je suis pas sûr qu'il va nous appeler parce que. Lui, il part quand même en campagne électorale. Là. Il part à travers le Canada pour virer une brosse. Ça va être une beuverie mobile. C'est ça. On devrait demander qu'il arrête de faire un tour. J'espère qu'il c'est de la bulle. Non, sérieusement, Gilles, je l'ai entendu aujourd'hui à Radio-Canada. Ouais, Gilles. En entrevue. Puis je pense qu'il tient la forme, hein? Il lâche pas. Je vais t'avouer que c'était bien la première fois que j'entendais Duceppe ne pas parler de ce qui s'est passé récemment au niveau de quoi on sait. Oui, il a dit on s'en va pas en campagne électorale. Je suis un peu ça. Déçu, mais ça a été that's all, pas de critique directe. Oh. Il était plus là pour une histoire littéraire. Je pense qu'il. Fait que non, il s'est concentré sur le sujet pour lequel il avait été invité. Ça c'est rare par exemple que tu peux le maintenir de même dans une ligne sans trop qu'il parle d'indépendance. Ben là, quand tu commences à faire des déclarations, c'est bouton de manchette à l'Assemblée nationale, là, Chris. Moi, je l'inviterais pas ici en tout cas. Ben surtout qu'il veut voter contre, là. Ça. C'est ça. Il vote contre le budget, ça, c'est ça. Je voulais demander ça, s'il avait voté contre, mais il doit être trop sous pour répondre. On va essayer de le rejoindre, voir s'il est capable de répondre, tant mieux. Sinon, on essaiera de rejoindre Roger Brulot. Il est encore parké à Washington, parce que là, le camp du national de Washington est commencé. Fait que là, ses expos, ils capotent, là. Parce qu'il attend devant je pense qu'il veut, essayer d'avoir, de gagner au bout du fil, puis de faire une entrevue avec, mais il l'aura jamais. C'est bien clair qu'il parlera jamais avec Gagné, tu sais. Mais non. Ça marche pas. Mais il y a son histoire là-dessus, hein. Ouais, j'imagine. Quand j'ai réussi à y glisser un mot, puis il m'a parlé de politique à propos d'Éric Gagné. J'ai pas trop compris, mais il a dit qu'on allait s'en reparler devant un micro, finalement. Bon, on va essayer de jaser avec lui. Fait que vous avez vu qu'on va avoir encore un programme assez gros. C'est big. Comme dit Ron, attendez-vous à quelque chose de big. Très big. Puis je pense que ce soir aussi, on a une fausse. Là, je sais pas si on va avoir la contribution de Botrax. On est en train de tester ça. Ouais, on va l'avoir, la compilation. Et la fausse, ce soir, personnellement, même si les boys, ça vous tente pas, je m'en crisse. Mais... on n'a pas le choix. Non, mais la fausse me rappelle souvent quand j'avais 3, 4, 5 ans, les chansons que mon père me faisait écouter. Ouais. Ça a fait un an la semaine passée que mon père est mort, donc la fausse, ça va être pour lui ce soir. Non, vous me donnez des méchants flashbacks avec les tunes. Des fois, c'est... Hey, quand je te dis que je vais écouter Jello Reggae sur le site de la fausse à souvenir sur ndpnp.com, là. Le samedi matin, avant de réécouter le show, là, puis je suis poqué, là, Jello Reggae. Crème, j'écoutais ça, mais j'avais 4 ans, cette tune-là. Moi, ben, c'est. Puis je dansais là-dessus. Ben, il y a. Quand, c'était quand dans la tête qu'on est fucké. Quand j'étais au States, avant la semaine. Ben, je t'ai revu la semaine passée, samedi. J'étais à la job. J'écoutais des Goldorak sur YouTube. Oui. Ouais. En arabe. Parce que, non, mais je veux dire, tu comme le dialogue, c'est encore lisse. Ouais, ouais. Mais tu sais, t'écoutes ça, man. Ah, oh, shit, man, c'est quoi? Cool. Oh, je me souviens de cette petite Golgotte-là, man. Pis, oh, man. Si j'écoutais ça, man, en série, là. Aïe, aïe, mais c'est trop hot. Alors, c'est vrai que ça fait du bien d'en voir ça. D'ailleurs, il y a le Festival Fantasia qui, à chaque année, ici à Montréal, nous présente des épisodes de Goldorak. Ça fait, il me semble, l'année passée, ils ont passé par-dessus Goldorak, par exemple. Oh. Ouais, mais ils ont pris un autre. C'est un mauvais move. Ouais, ouais, mais ils ont essayé d'autres choses. Ils ont pris un autre dessin animé de ce temps-là, genre comme Balbator ou Capitaine. Ben, je me rappelle, une des années que j'avais été, c'était Goldorak avec la femme Goldorak. C'était un film qui avait fait. Avec les tétons bombes. C'était carrément. C'est vrai. Sérieux, je me rappelle plus de la page. De ça. Les tétons s'envolent. Ça, je me souviens, c'était un film. Toute la gang était là, man. Transersey, Goldorak, les robes. Il y avait même deux robots femmes, man. Les tétons bombes, je sais pas trop quoi. Je me souviens pas d'histoire, mais je me souviens des tétons. Ouais, ouais, c'est l'essentiel, tu sais. L'autre paire de tétons qui m'a marqué autant que ça, c'est celle-là de Monica Bellucci quand on a vu dans Matrix 2. Ah. Mmh. Ben oui, il y avait ça, Ginette dans l'ancien compte aussi, mais pas la vieille Ginette, la jeune Ginette. Ah, Ginette, ah ouais. Oui, parce qu'il y en avait. Je suis moins sûr, on dirait ça. Mais c'est parce que ça s'appelle Ginette. La coupe Ginette. De cheveux, je pense. Ouais, aussi. Là. Non, pas la femme, mais il y en avait une autre jeune Ginette avant, là-dedans. Là, c'était... Ah, là. Monica Bellucci, elle joue dans Shoot 'em Up, un dernier film avec. Ouais, puis. Comment tuer avec des carottes? Oui! C'est vrai. Oh, c'est 2 à 1. Non, ok, non, c'était Stars de Dallas. Okay. C'est quoi la passe des carottes? C'est quoi? Ah, c'est Clive Owen qui joue là-dedans? Ouais, c'est ça. Exact. C'est c'est vraiment. Est toujours belle, est toujours belle. Il tue, je pense, 5-6 personnes dans le film avec une carotte. Oh, et puis, okay. Solide, là. Mais c'est un peu comme Hard Boil, où tout ce qu'il fait, c'est des guns. C'est ça. Son art, c'est les guns. Ah, ben, c'est ça. C'est un film, là, vraiment, là, de meurtre du début à la fin. Sans rien y comprendre. Ouais, c'est non-stop. Bon, bon, bon, bon, bang, bang, bang, là. C'est fou, là. C'est du Quentin Tarantino. Ben, c'est ça. C'est le genre de film que j'haïs pas pantoute. Non, c'est excellent. Oui, oui, c'est excellent. Comment s'appelle encore le nom du film? Shoot 'em up. Shoot 'em up. Shoot 'em up. Je sais pas ce qu'on en français, là, mais c'est Shoot 'em up avec Clive Owen. Ouais, c'est de pogner ça. Ça vient de sortir, ça? Non-stop. Ouais. Ben, il est sorti en DVD, je pense. Il est en DVD. Depuis deux mois environ, en DVD. Ouais, quelque chose comme ça. Ben, c'est sûr que je vais essayer de me pogner ça parce que. Ça vaut la peine. Ouais, c'est ça. Puis, tu me dis que Monica est là, regarde, c'est vendu. Ouais. C'est sûr et certain. Il reste environ une quarantaine de minutes pour aller voter à la question de la semaine qui a été mise par notre ami PR cette semaine. On vous demande si l'interruption de la conférence de presse de Jacques Villeneuve par Super Cochon vous a fait rire. Super Porc! Super Porc! Mais bref, on voulait savoir si ça vous a fait rire. www.moyendednp.com. À date, c'est pas drôle, je pense. Hein? On est à 100% à pour zéro. Le c'est une première. Ça serait le premier. L'annoncer. Parce que là, peut-être que. Ben, là, trop tard, tu l'as dit. Oui, c'est fait. On va voir si on a des tatins qui écoutent le show. Si ça reste à 100, ça veut dire que non. Moi, je pense que oui, mais le couple. Quand même. Ben, en tout cas, il y en a au moins 3 qui l'animent à tous les semaines. Ouais. Si c'est pas 4 quand tout le monde est là ou 5. C'est ça, 5-6, des fois on se ramasse 8, tata. Bon, mais nous autres, on va aller faire un petit tour en musique, installer nos patentes. Je pense qu'après ça, on va faire de l'actualité. C'est l'actualité comment traiter. Puis Pat, je pense que toi, t'es pas là toute la veillée, fait qu'on va te laisser tirer ça. En tout cas, on va voir ça. Ouais, là, je suis assis dans le flow, je pense qu'on va me prendre un coussin. On va aller. On s'installe, et on pèse sur le champignon. Wouhou! À tantôt, tout le monde. Song. It's a very popular number from the galaxy far, far away. We'll be right back. song. Bass solo. Drum solo. Han solo. Where is the ambassador? Thank you. Thank you so much. Avec un drink qui s'en vient. Et monsieur. Quand on est sur le fly à soir. C'est cascade. Tu voulais voir comment ça se passait. Ça patine en crise en tour. Allez, hop, cascade. Je suis un client satisfait. Voilà. Alors... Vendredi 29 février, spécial bisextuel ce soir. Hey, on le sait que c'est bisextile, ouais, hein? Là. Hein? OK, envoyez plus de courriel. Je le sais que c'est bisextile. Les informations de contact que je mets dans le bas des communiqués, là, c'est pas pour me faire des commentaires sur les mots utilisés. Je vous rappelle que vous écoutez en direct de nulle part. Capitch? Un show tout croche. Ouais. Puis là, c'est pas l'actualité commentée, c'est l'actualité commentatée. Ouais, c'est vrai aussi. Et vous venez de comprendre le principe? Oui, ça vient du dictionnaire de M. Clown Poirier. Oui. Clown Poirier. Je suis un individu qui commentate l'actualité. Et voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a de bon cette semaine? Là, c'est tout ce qu'on entend, man, c'est ton verre. Ben, c'est ton micro, esti. Tout ce qu'on entend, c'est... Oh, on va avoir le... C'est la préparation, un Hawaiian Punch. Ouais, c'est ça, on est en train de faire ça live. Mm. Un Hawaiian Punch. Ouais, on va faire des Hawaiian Punch. Vas-y, quoi, ça, mon Hawaiian Punch? Correct, ça. Non, écoute, il n'y en a pas d'actualité commentatée cette semaine. Ah, c'est rien passé cette semaine? Non, ben, non, il s'en est passé des choses. Oui. On a parlé du budget. C'est vrai. On a parlé des échanges du Canadien puis de la Ligue nationale. Ah, il y avait des échanges? Ouais, on a parlé du budget aussi. Je manquais ça. On a parlé des critiques par rapport au budget. Mais Chris, on parle même plus de Castonguay, man. Fini. C'est passé. Là, il y a des petites nouvelles, underground, qui passent beaucoup moins, mais on parle de quoi prioritairement? C'est vraiment du budget. Fait que je me suis dit que cette semaine, pour mon dernier show, avec vous autres en studio... Pas le dernier. Le dernier... En tant que collaborateur à temps plein, comme je le fais depuis le début de la saison automne 2007. Non, j'aime mieux entendre ça, là. Mais officieusement, c'est mon dernier show avec En direct de nulle part. Officiellement, je vais prendre le poste de collaborateur sporadique avec Mr. A. OK. Puis, je m'en vais dans le même coin que lui. Je m'en vais vers Québec. À Québec, okay. Fait qu'on va probablement voyager ensemble des vendredis pour venir faire un tour ou lâcher un coup de téléphone, mais... ma collaboration à temps plein, à toutes les semaines, avec vous autres en studio, malheureusement, se termine ce soir. Bon. J'ai su ça cet après-midi, mais c'est pas pire parce que cette semaine, quand je vous ai écrit, je partais pour un Christy de bout parce que j'avais plus de char. Ouais, ça... J'ai finalement mon histoire de char, c'est scrap, donc... Là, j'ai une autre voiture. Ouais. T'as reçu ma capsule, je t'ai envoyé pour ça? Oui, avec... Ouais, okay. Je l'ai passé la semaine passée. Ouais, okay, c'est non, mon petit bolide. Je suis pas rendu à écouter ça. J'étais super en retard dans mes émissions. Ouais. Okay. Mais oui, je l'ai reçu, Horn Blaster, puis... C'est bon. Cette petite truck-là, il est équipé pour pouvoir recevoir ça, exactement. Mais bref, c'est ça, l'actualité, la nouvelle de la semaine, c'est que c'est ma dernière émission avec vous autres ce soir, fait que je vais laisser la place juste pour avoir du fun, je veux pas vous casser la tête. Il y a juste une affaire, par exemple, cette semaine, qui m'a frappé dans l'actualité, c'est dans le devoir de jeudi. On demande, êtes-vous turbo-consommateur? Oh! Quoi, non, mais attends une minute. Êtes-vous turbo-consommateur? Tu sais, des consommateurs compulsifs qui achètent tout pour n'importe quoi, etc.? Non. OK, non, regarde bien. OK, je m'excuse, là, mais mardi, dans le budget, là, on a sorti un compte libre d'impôts pour que le monde se mette à économiser et arrête de dépenser? Ouais. On est-tu des turbo-consommateurs? C'était quoi le trip de gaspiller une de journal pour ça? Tu l'avais, la calisse de réponse. T'avais juste à regarder le budget. On est toute une gang de turbo-consommateurs, man, au Québec. Bah, moi, je pense que c'est un terme qu'on a inventé juste pour blâmer quelque chose encore. Ouais. Mais non, mais tu peux mettre n'importe quel autre terme que turbo-consommateur, consommateur compulsif, extrémiste, whatever. Mais au Québec, on est rendu, puis au Canada, on est rendu à un point de créer des comptes d'épargne libres d'impôts pour inciter le monde à économiser et arrêter de dépenser leur argent. Ben, ça fera pas de tort pour certaines personnes, c'est vrai. Non, mais tu l'avais, ta réponse à ta question. Cette journée-là, t'aurais pu prendre n'importe quoi d'autre comme une importante. Qu'est-ce qui se passe avec Castonguay ces temps-ci, vu qu'on l'a renvoyé de la main comme ça? Ben là, on se rend compte que si on va fouiller un peu, ben les couilles, il a commencé à avoir plus de couilles, puis là, ben il commence à il aurait pu revenir aux algues bleues. Oui! Encore! Préparer la saison 2008. Non, on entend plus parler des algues bleues, là. Ça va être une nouvelle maladie. Mais regarde! Faut revenir là-dessus pour voir ce qui se passe. Là, ben, faut un update. Il y a le printemps qui s'en vient aussi. Là, le spring! T'as le spring break qui s'en vient. Ouais. T'as les fonds des routes. Pas la fonte des routes, mais la fonte des glaces. Les routes qui vont namocher. Chris, parler des affaires du camion. Ouais. Parler des petits travaux qui ont commencé sur la rue Saint-Laurent. Oui, le festival Les Rues Barrées. Les routes sont déjà vraiment décrissées même. Avec l'hiver, là, et c'est ils ont fait des petits topos de 2 minutes, puis ils ont quoi? Ils ont critiqué Dion qui veut pas aller en élection. T'sais. Dion dit non. Dion, c'est parce qu'il dit que c'est de la merde, mais il vote pour. Tu sais, quelque part. Parce que ce n'est pas le moment opportun pour renverser le gouvernement conservateur. En même temps, si t'as des couilles pis t'as des principes pis t'aimes pas le budget, laisse faire le moment opportun pis envoye. Ben, moi, je m'excuse, mais Dion, là, cette semaine, je l'ai entendu, là. Et je me demande ce que ce gars-là fait à la tête. Ouais. Je me suis rendu compte cette semaine que Dion, c'est un faux de bord en bord. Non, mais plus faux que ça, man, tu meurs. Je m'excuse, mais un premier ministre qui parle avec un accent pointu comme ça, un chef de parti qui est même pas capable de dire premier ministre dans ce budget, mais qui dit premier ministre, justifierait que l'on précipite les Canadiens dans une élection qu'ils ne souhaitent pas pour le moment. Quant à la procédure que nous suivrons en chambre, j'en discuterai davantage avec mes collègues du caucus. Ça, c'est pareil comme Pierre Sandot. En passant, Dion, les si et les mine les raies, c'était si hot que ça, là, en prononciation, puis en français, là, les si et les mine les raies, puis t'en fais en tabarnak. T'en fais plus que moi, c'ti. C'est comme Pierre Bruno, quand il fait que Dion soit à la tête du parti, là, sérieusement, à la tête du Parti libéral du Canada, là, moi, je trouve ça une excellente chose. Parce qu'il reviendra jamais au pouvoir, cette partie-là, pis on n'aura plus de petits problèmes qu'on a déjà eu avec les hosties libéraux, puis probablement que le monde vont peut-être se réveiller à un moment donné, puis vont ramener des partis un petit peu plus mollo. Plus de grill du CEP. Je m'excuse, de la grip un peu. Le bloc, là, à l'opposition à Ottawa, là, je pense que c'est la meilleure place qu'ils peuvent aller. Puis là, si le monde continue à voter conservateur puis libéraux, on va être pogné avec deux hosties gnochons pour rouler notre pays. Pis on va se ramasser dans la marbre. Hey Chris, t'as déjà Stephen Harper que Bono veut même pas rencontrer parce qu'il est pas assez vert. Pis là tu te ramasses avec Dion qui a un parler excellent, mais c'est que c'est pas son français. Mais moi Bono non plus, je veux pas le rencontrer. Ça donne bien là. Bono. De quoi qu'il se Bono, c'est-tu un artiste qui a décidé de faire des œuvres humanitaires après que c'était fait pogner avec des enfants, genre? Ouais, entre autres. Bono, c'est un artiste qu'on appelait tout court. Là, on l'appelle plus aujourd'hui. C'est un gars avec un condo qui vaut plusieurs millions de dollars à New York, mais qui bug à chaque fois que les gouvernements font des conneries. C'est un esti de fraîchier. Ben oui, c'est sûr. Il s'est fait offrir 1,5 million pour venir jouer pour le 400e de Québec. Il a dit non, moi je joue pour des causes, je me sacre de l'argent. Il allie le 400e à une cause humanitaire. Ça marche plus, là, il était rendu à 2 millions, puis ils ont arrêté de négocier avec parce qu'il en voulait encore plus, puis il en voulait encore plus. Écoute, c'est rendu comme les Beatles. Il est pire. Mais le pire, là, c'est que ce n'est pas U2, là. On ne parle pas du groupe U2, on parle de Bono. Ah ouais. C'est Bono qui fait des solos à Star. Ouais, c'est ça. Non, c'est Bono qui lead U2, c'est Bono qui s'occupe de U2, puis ce que Bono dit, U2. C'est le manager. Ça a l'air. Parce que U2, là, pour un demi-million, il serait venu jouer à Québec. Je pense que The Edge était d'accord. C'est Bono qui a tout bloqué la patente, là. Il voulait rien. Mais je sais pas, peut-être qu'il y avait un autre engagement, là. On sait pas, là. Il y avait peut-être un petit voyage en Afrique de prévu. Ou... Hey, man, le 400e, là, ça dure 10 mois. Ouais, il y a ça. Tu sais, c'est quoi l'effet qu'il fallait qu'elle adopte un enfant? Ben, sûrement. Qu'est-ce que je te parle, là? Ça, j'ai entendu ça. Ça se négociait dans le temps que je suis arrivé à Québec pour faire mon cours. On parle de septembre 2006. Ouais. Fait que ça fait un bout que que ça se négocie puis que Bono fait son esprit de fraîchier. Mais Bono, il aime ça, par exemple, de revenir dans l'actualité de fois de temps en temps. Fait que peut-être qu'il va changer d'idée d'ici la fin de l'année. S'il voit que c'est une année tranquille, il va peut-être dire « Ah, je vais y aller ». Mais là, il va être trop tard. On va tout avoir donné notre budget au... comment il s'appelle? La gang qui chantait l'Homme 7-Up, là. Un respectable. Ouais, bon, eux autres s'en viennent avec un... Ils ont eu un contrat d'exclusivité avec la fête du 400e. Pas du tout, man. Ben, en tout cas... Les respectables shows qu'ils vont faire, là... Sérieusement, et ça, j'ai trouvé ça bad en tabarnak. C'est eux autres qui ont dit, on va faire partie du 400e, on va louer une salle, on va faire un show, et fuck la société qui a pas pensé à inviter un band qui vient de là. C'est efficace, ça? Les respectables ont commencé à Québec, d'un bord, trou à Québec, man. Puis ils ont même pas pensé à dire, hey, on pourrait peut-être demander aux respectables de venir faire un petit show pour nous autres, une petite prestation, embarquer dans un gros concert. Niet à rien. Fait que eux autres, ils ont dit, nous autres, on va embarquer dans le 400e. Puis, y a absolument rien de nos affaires qui vont aller dans les poches du 400e. Ça, c'est cool, hein, Chris. Ça, je trouve ça cool. Lui, il arrange ça, il s'arrange de leur bord. D'abord, c'est pas ce band-là, mais il y a un autre band. En tout cas, ils ont aussi une grosse affaire d'exclusivité. J'étais là, tabarnak. Une affaire de 75 000, quelque chose de même. Ben, c'est vrai, je me rappelle ton histoire des respectables. Eux autres, c'est ça, ils partent de leur bar, ils financent de leur bar. Ouais. Ils ont dit qu'ils allaient redonner une partie à je sais pas quelle organisation. Mais ça sera pas par rapport au 400e. C'est vraiment, le 400e ont pas pensé à eux autres. Eux autres, ils ont pensé à leurs fans à Québec, puis ils ont dit, on va leur faire de quoi, puis on va embarquer dans le game, mais ça va être le 400e des respectables. Non, mais ça a bien l'allure, parce que s'il y a d'autres bands qui feraient la même affaire, ça serait cool en tabarnak, le 400e. Ben là, hey, il y a une rumeur pour Iron Maiden. Oh! À Québec, pour le panel, le 28 ou le 18 juin que ça parlait ce matin. Mais tu sais, c'était confirmé. J'ai cherché sur le net, j'ai rien trouvé encore. Yes! Et c'est rendu 2-1. Buffalo Power Play Go. Encore cueillez-vous sur le banc de punition. Ah, ouais, ça, là, ça coule, là. Ouais. En passant. Go. On était rendu ça. Il y a des rumeurs pour Iron Maiden. C'est pas encore confirmé, mais il y a un trou dans le mois de juin pendant leur tournée. Puis les dates commencent à se remplir bientôt pour l'Amérique du Nord. Fait que je check le site, je check tout à propos d'Iron Maiden. C'est sûr et certain. Mm, good. Mais il y aurait quoi avec les autres bandes canadiennes comme Anne-Marie? Ouais. Tragic Lip, je pense qu'ils vont aller faire un tour. Mais... comment elle s'appelle? Katie Lang? Katie Lang. Diana Krall? Non, mais l'autre avec ses lunettes le soir, là, c'est comment son nom? Là, Mais quel, ça? Corey Hart. Ah ouais. Oh. En duo avec la petite Julie. Julie qui masse en masse. En masse et à bonne place. Et pourquoi James Bond? Parce que Julie masse. Oh. Et Francis Reddy. Ah non. Comment ça va, pas ça? Excusez-la. Pat est en grande forme ce soir. En grande forme. Ça paraît que mon alimentation a changé. Hey, oui. Ça vous tente de déconner avec Pat, justement. Il est sur le MSN, studio@ddnp.com, où vous pouvez nous faire parvenir vos courriels à partir de là aussi. Oui. studio@ddnp.com. Moi, je suis dans le courriel. Pat est sur MSN. Puis il jase en masse. Je pense qu'il jase avec... Trois personnes en même temps. Bam, Nathalie... Ah ouais, Nat aussi? Ouais, ben, oui. Ah ben, salut Nat. C'est qui l'autre, je m'en souviens pas, là. Ah, il y a du monde, là. Go Stars Go. OK, Go Stars Go. Ouais, il y en a qui parlent les Stars de Dallas. Ouais. Oh, et on a benché Paul Gostade pour retenue. 2 minutes au cachot. Deux minutes pour avoir retenu. 5 minutes pour coup de sacoche. Ça va pas. Go, les gars, tape ses fesses, les scores s'encouragent, surtout parce que ça va mal. Hey, et ça, j'aime ça, Manny, as-tu tombé sa tête? À part de ça, Mr. T. À part ça, il n'y a plus grand chose sur ma feuille, m'a avoué. Ouais, ben après ça, là, je tombe dans les échanges, dans l'actualité politique. Fait que, je vais jaser pas mal plus avec vous autres, parce que là, on arrive la fin de l'heure. Va falloir préparer la question de la semaine. On va essayer d'avoir un petit peu de discipline, là, parce que la semaine passée, on s'est laissé. Ouais, je suis revenu, là. C'est décousu. Ouais, c'est ça. Vous écoutez la dernière émission disciplinée dans Direct de nulle part. Je m'en vais, si tout le monde va prendre la barre. Ça va déraper en Quand tu vas être à Québec, qui va être en studio, là? Ici ou à Québec? Ici? Ah, ici, je vais voir lui, puis Mr. Gueux. Ah, OK, c'est pas super. Ouais, Mr. Gueux arrive tout le temps à mi-show, à mi-course. À mi-chemin. Puis on a Mr. A qui devrait reprendre du service. Lui, il nous avait dit au début du mois de mars. Le 8 mars, normalement, c'est le retour à la fête de la journée des femmes. C'est bientôt, finalement, ça. C'est la semaine prochaine. Ouais, c'est la semaine prochaine. Ah, bon. La semaine prochaine, il devrait être de retour. C'est quand la journée des hommes? C'est le reste de l'année. Tous les jours. Yeah! Yeah! Disons, comme le 300 C'est ma journée aujourd'hui. Yeah! Yeah! Comme disent certains machos, ils disent une journée par année où c'est que t'es obligé de faire attention à ta femme, puis le restant du temps, c'est elle qu'il faut que fasse attention à toi. On aime ça de même. Ah oh, oui. Ben, c'est une gang de machos de calice. Oh yeah. Fait qu'on clame. Non, mais sérieusement, là, c'est, non, juste. Regarde, ce genre d'affaire-là, là, je m'excuse, là, mais le gars qui attend Saint-Valentin pour gâter sa blonde, là, mais t'es un esti de trou de cul, man. Non, c'est tout ce que j'ai à dire. Absolument, absolument. T'as raison là-dessus. Puis la fille qui attend que son chum la gâte à Saint-Valentin, esti que t'es pas vite puis change de chum. C'est parce qu'elle suce pas. Il y a ça aussi après à sucer. Bon, ben c'était... Elle avale pas. T'es pas assez fine. OK, c'est assez dame. Ouais, hein, je pense qu'on dégénère. Yes! Hein. Le rhum coco fait là. Ouais, hein, ça détonne. Bon. C'était l'actualité commentatée. Bien grasse, comme on l'aime. On s'en va écouter une petite chanson, hein, les boys, ça vous tente-tu? Oh, yeah. Un petit Alice in Chains. Oh yeah, Alice in Chains. Un classique à part de ça. Nous autres, on va aller finaliser nos drinks. Oui, nos dossiers. Ah, puis on va revenir avec quelque chose. Ouais, finalement. Les sports, je pense qu'on va y aller. Oh, les sports! Oh yeah, Pat the Bat! À tantôt tout le monde. Oh. Yeah. Chez Saint-Daniel Barbecue Massicotte. À seulement 12,99$, on va t'offrir une belle boîte de hot chicken avec extra coleslaw et notre pizza getty jambonaise très délicieuse avec extra mayonnaise. Mais faire un tour chez Saint-Daniel Barbecue Massicotte, c'est pas cher, ça coûte pas de beurre, c'est bon à calvaire. Venez faire un tour, notre chicken est extraordinaire. Et également, en spécial pour la rentrée, offrez à vos enfants les nouvelles petites croquettes d'âne à seulement 6,99$ pour un paquet de 12. Cela répond aux besoins de 3 enfants en manque et maltraitance. Vraiment, chez Saint-Daniel Barbecue Massicotte, on t'offre tout avec des serveuses bien sympathiques et sexy pour le petit grand papa. Les rôtisseries Saint-Daniel Barbecue Massicotte. Stick t'exagères. Monsieur Massicotte. Hey, l'ami troqueur, la route est longue, t'as l'arrêt du cul fatigué. Arrête chez Roquet sur la grille, sur le bord de la 20. Midi express spécial juste pour toi. Petite entrée, salade de pissenlit, un petit peu de sauce dans sa croûte, 8,50$, tartare au siffleux. Avec coulis de pommes de route, fente de cèdre, 5,95. Entre filet d'écureuil tombé en bas de son poteau, avec un petit tour au brun. Pas mauvais, ça. 2-1 sur les petits banquettes de Pigeon Wings. Petit potage au cresson, tête de violon, sans sel. Bar à volonté sur les condiments, ça comprend ketchup, moutarde, reliche, les petits sachets de sel, les ustensiles, un refil d'eau totalement gratuit, juste pour toi. Comme dessert, les vieilles poignes de tarte aux pommes de route, avec un petit coulis de sucre à crème. En extra, petite boule de crème glacée, juste pour toi. Après 8 heures, venez visiter notre bar exotique avec la chatoyante de serveuse Chiquita Morin. Chez Roadkill sur le grill. T'as une grosse faim, mon cochon? Roadkill sur le grill est la place pour toi. Seul expert par excellence. Et attention, ça va barder en tabarnouche. Parce que lui, il gratte pas la glace. Il les foire pas à peu près. Que ce soit le printemps, l'été, l'automne, pis l'autre, là, c'est facile pour Patrick Rankin. Au sport, attention, c'est le passage de la Zamboni. Ça va barder en hostie. Solide, notre ami Lagamix. C'est incroyable, hein? Et c'est solide, solide, solide. Ça vient d'où, ça? Ça, c'est Louis Amic, hein? Alias Lagamix, c'est un de nos amis collaborateurs. C'est lui qui fait nos voix de Pauloud, entre autres. Moi, il y en a un que j'ai ri, là. Ça m'a fait tellement rire, là. C'est l'autre qui dit que quand tu pètes pis tu chies par les deux bouts, là, pis là, t'y rates pis passe, mais j'étais crampé les raides, là. J'étais plus capable. C'est lui qui fait ça. Fuck, man. C'était tellement drôle, man. J'étais plus capable. J'écoutais ça sur mon iPad, là, en direct de nulle part, là. J'étais crampé ici, man. J'avais pas le choix, man. C'était trop bon. Ouais, Louis, non, d'ailleurs, qui est de retour à Montréal bientôt, là, parce que lui, il a déjà eu sa propre radio internet qui s'appelait Kix. Et c'est 3-2, Buffalo vient de scorer en Powerplay Go! Et c'était Amerlik qui était sur le banc. Allez-y. OK. On va s'ennuyer de Cristobal avant longtemps. Ouais. Et que lui, il mène 2-0, hein. Il est parti pour un jeu blanc en début de troisième. Mm-hmm. Ça fait mal. Et voilà. Alors oui, les sports de Pat. Oui, ben oui, ben oui. Là, En 3-1, j'ai halluciné un but. Ouais, OK. Encore 3-1. Parfait, ça. Alors, Pat, toi, cette semaine, je pense que la semaine passée, on avait oublié plein d'affaires. Ouais. On avait tellement d'affaires, dans le fond. Mais c'est ça. Là, cette semaine, j'ai eu une belle semaine. Ah oui? Ouais, puis ça fait du bien, je me rappelle plus. T'as eu une bonne semaine? Une super bonne semaine. Je me rappelle plus c'était quoi passer une belle semaine. OK. Parce que la dernière semaine a été épouvantable. Puis la celle d'avant, ben, c'est la fois qu'un élève, ben pas un élève, excusez. Il y a un garçon qui est rentré dans notre école avec un arme à feu. C'est ça, il s'est fait pogner avec un 32 chargé à bloc dans mon école. Là. Fait que ça a comme un peu chambardé le tout. 32, c'est comme un pistolet, ça? Ouais, c'est ça. C'est ça. Fait que la semaine passée, ce qui s'est passé, mardi le 19 précisément, j'étais en cours en quatrième période, j'enseigne un peu. Toujours à cette même école de fou. Toujours à la même école de fou. Puis on était à peu près au début du cours, peut-être 15-20 minutes de passé, puis j'étais en train de donner des explications là, au ping-pong. Bon. Écoute, faut passer par là. Alors ça, c'est la balle. Ouais, ça, voilà. C'est le bâton. Et la table. La table. Et là, vous frappez sur la petite balle qui fait deux bonds. Qui fait un bond, vous êtes entraîné à écouter les films Balls of Fury. C'est ça. Les meilleurs trucs sont dans ce film-là. Mais là, ça m'a pogné une espèce de douleur, là, mais c'est pas mesurable. À l'entrejambe? Dans le bas du dos, à gauche. OK. Puis ça fait le tour par le côté jusque presque au pénis. Ah! Oh! Puis là, une douleur, quand je vous dis, là, c'est incroyable. J'étais plié, assis, couché, debout. Il n'y a aucune position. Je voulais pleurer. Je pensais mourir. Je dis, je vais mourir. C'est la première fois de ta vie que tu as une douleur aussi atroce. La sueur, là, elle me coulait. Là, je dégoûtais. Puis écoute, je suis pas quelqu'un qui transpire. T'as-tu pensé mourir un moment donné? Je pensais crever. J'ai dit, quand tu sais pas c'est quoi, c'est une douleur que t'as jamais vécue, tu sais pas, t'as aucune idée de ce qui se passe. Tu dis, c'est mon heure. Tu sais que c'est pas musculaire. Tu sais que c'est pas normal. Là. C'est ça. Là, c'est le système qu'il faut. Exact. Qu'il faut là, il y a de quoi dedans. Là, j'ai passé 15 minutes dans le bureau. J'ai été voir un collègue de travail qui était d'un gymnase à côté, qui s'occupe de mon groupe. J'ai dit, moi, faut que je quitte, je suis plus capable. Là, j'ai essayé de toffer 15-20 minutes dans le bureau. On a fait venir ma conjointe qui était d'un autre local en musculation à l'autre bout de l'école. Fait qu'elle est venue me voir. On a essayé de faire des petits traitements. Il n'y avait rien à faire. Elle a pensé que c'était musculaire. Là, j'ai dit, garde, c'est pas musculaire, là. Quand ça vient d'intérieur, là, tu sais que c'est pas musculaire, hein. Exact. Puis là, j'étais allé à la maison. J'ai t'offé ça jusqu'à 5 heures. Bon, je me suis allé à l'hôpital ensuite. 5h15, 5h20, la douleur est partie. Comme ça. Mais là, t'étais là-bas. La même chose. Ouais, j'étais là-bas en attente d'aller voir la petite madame au triage. T'avais fait quoi, comme 2 heures, 3 heures d'attente? 3 heures. Non, mais je veux dire 3 heures de douleur. OK. Ça faisait à peu près une demi-heure, j'étais à l'hôpital environ. Là, ils me passent tout de suite. Là, j'explique mon cas. Là, ils me disent, oui, ça ressemble beaucoup à une pierre au rein. Mm. Fait que là, on vous met en priorité 2. Qui est la deuxième plus rapide, parce que la 1, c'est réanimé que rien. Ouais, c'est semi-mort. C'est ça, c'est quelqu'un qui est en train de mourir, là, faut le ramener à vie. Fait que, c'est ça. Fait que là, j'étais allé voir le médecin, puis tout ça, puis là, bon, ils ont fait des tests d'urine, ils ont décelé du sang dans mon urine, puis ils ont vraiment dit que c'est une pierre au rein, là, qui part du rein, passe dans le canal, puis tu sais, une pierre, c'est jamais rond. Fait que ça fait du dommage, pour avoir du sang dans l'urine, là. Ouais, c'est ça, c'est parce qu'une pierre, là, c'est pas rond, hein, c'est pointu. Ouais, c'est granuleux. Bon. Ben, c'est ça. Puis si ça fait mal, c'est parce que ça l'écorche tout le dedans du boyau, du rein, ça en va jusqu'au sac de vessie. Fait qu'en dedans, la roche, elle graffine les parois, fait qu'elle arrache tout. Ce qui fait saigner. Exactement. Et voilà. Wow. C'est ce qui fait, qui est extrêmement douloureux. Puis, le médecin, comme il dit, il n'y a rien à faire. Il faut que tu attendes qu'elle passe. On peut juste te donner des. Tabarnak. On peut juste te donner des piqûres de démérol ou. Je ne sais pas c'est quoi l'autre. T'as gelé un peu, là. Ah, c'est ça. Moi, j'ai rien pris. J'ai pris une Advil. Tu voulais l'affronter. Oui, mais Advil, souvent, un comprimé suffit. Fait ouais, que, lui, ça serait comme dire, ah, faut que t'attendes que t'accouches. Là. Exactement. Ouais, c'est la même chose. Endurestie. Le médecin m'a vraiment dit que c'est la douleur la plus aiguë que le corps humain peut supporter. Avant de t'évanouir. Avant de t'évanouir. Wow. Oui, parce que l'autre crève, c'est l'appendicite. Ouais, ouais, ben c'est ça, tu vas décider. Puis après ça, tu vas en crever, c'est mais... la douleur la plus extrême que tu peux endurer, là, sans perdre connaissance. C'est ça, je pense, le corps, il fait un auto-shutdown, genre, ouais, là, si une douleur trop forte, aïe, aïe, plus que ça, tu perds connaissance, mais c'est la limite. Bon, tu pars pareil, cette histoire-là. C'était quand, ça? Mardi le 19. Wow. Okay, c'est mardi, pas cette semaine, mais l'autre avant. L'autre d'avant. Bon, c'est ça. Puis ça a duré 4-5 jours, là, la nuit, je me réveille avec des douleurs, tout ça, parce que je veux pas en dedans. Ouais. On fait une graphine sur le bras, puis ça prend quand même un peu de temps à cicatriser. Ouais. Imagine en dedans, là, les parois qui a toujours le liquide urinaire. Oh, ouais, et c'est acide en plus. Ouais, c'est ça. Fait que là, c'est correct, je suis rétabli, je te dirais, depuis 3-4 jours à 100%. Ah, c'est ça, la bonne humeur de Pat est revenue. Je pète le feu, parce que là, j'ai changé complètement mes habitudes alimentaires. Ouais. Ben là, il a pissé sa roche, à cette heure, il pète le feu. Quand la roche aussi, elle part du sac de vessie, puis qu'elle passe dans le petit canal de l'urette. Mais ça, c'est une autre étape, là, à passer, là. Oh, fuck. Mais ça, t'as passé sa maison, là? Non, à l'hôpital aussi. Ah ouais? Ouais, tout ça passe à l'hôpital pas mal, tout. Puis ils donnent rien pour la dissoudre. Non, ils peuvent, si elle est trop grosse, puis ils font une radio, puis elle est bloquée dans le canal, parce que là, elle a accroché, puis elle est jamais, parce qu'elle était trop grosse. Là, il faut qu'il la casse en petits morceaux. Après ça passe. Et ouais, pas comme t'opérer puis l'enlever, ils peuvent pas faire ça. Non, c'est trop petit. C'est comment qu'il la casse en morceaux? Il la casse avec des ultrasons, ça? Des ions. Il m'a dit quelque chose comme ça ions. Ça, des ultrasons, je pense qu'il y a moyen de faire genre, ça. Ouais. C'est ça. Elle bloque. Mais moi, elle a pas bloqué à passer parce que quand j'ai dit j'ai plus de douleur, elle dit parce qu'elle est passée. Là, il est en gros sac de vessie. Prochaine étape. Là, il faut qu'elle passe. Exact. Mais qui c'est pas comparable à la douleur au niveau de l'urètre par rapport à l'autre boyau, parce que le boyau de l'urètre, il est plus grand. Ouais. Il est plus élastique aussi. Mais il est plus grand, ouais, c'est ça, mais il y a comme un 0.1 de millimètre de plus grand. Puis ça fait toute la différence, je vous le dis. Pour une roche, ouais. Ça fait toute la différence. Fait qu'une fois qu'elle est sortie, tu l'as échangée pour une guérison, puis pas de problème. C'est ça. Puis bon échange, exact, ça. Exact. Puis on m'a dit que c'était héréditaire. Tu sais, il a dit vraiment, le médecin m'a vraiment confirmé que quelqu'un qui s'alimente super bien, qui fait attention, tout ça, s'il y en a eu dans sa famille, il risque d'en faire. Puis quelqu'un, en plus, qui s'alimente mal au niveau sel, surtout, ben ça tu vas être un petit peu plus prédisposé. Essaye le poivre. Ça marche bien. Ben c'est sûr, là je mets du poivre. Ben il y a du Mrs. Dash là, tu peux acheter, là, c'est un remplacement de sel. Là. C'est ça. La seule chose que je peux vous dire, c'est que tout le monde en a des pierres au rein. Tout le monde en a. Tout le monde en a plein. Tout le monde en a. Ah. C'est ça qu'il m'a dit. Oh, oui. Puis il dit un moment donné, tu sais, ça part comme ça. Elle a dit, moi, je m'en vais. Je sors d'ici, moi. Souvent, fait aussi, tout le monde en a. Tout le monde en a. Souvent aussi, ce qui arrive, c'est qu'ils décident de partir, mais ils passent. Des fois, ils passent, on les sent pas, c'est exactement. Ça. Ah. Parce qu'ils sont pas assez grosses. Ou, les grosses, où ils passent pas, ils décident de rester là, puis ils bougent pas. Puis c'est surtout au niveau héréditaire, si des personnes dans ta famille l'ont fait, mais tu risques plus qu'il y en ait qui passent. Mais comme là, boire tout ce qu'on boit à soir, ça peut-tu nous nuire, ça? Ben ça, ça fait quoi? Ça fait fondre le vin, ça. OK, c'est ben ça. Cool. Ben, oui. Ça fait fondre. Dégueulasse! Là, je bois du jus de camembert, je peux, et c'est dégueulasse. Non, c'est pas ça, c'est parce que je viens de voir la friteuse des chicken wings à Cage au Sport de Sandbell, puis. Non, ça c'est. Non, c'est parce que. Pas de Sandbell, mais à Buffalo. À Buffalo c'est après combien de buts, genre, c'est 5, c'est ça? Ouais, 5 buts des Canadiens, ouais, les ailes sont gratuites à la cage. C'est parce qu'il est très fort, là. On va avoir notre 5 buts aussi. Fait que c'est ça, c'était ça mon histoire. Ouais, puis là, cette semaine, là, regarde, quand t'es venu la semaine passée, t'étais à la guérison, c'était pas ta fête. Non, pas du tout, là, cette semaine. Pat, écoute, t'es rayonnant. Hein, il pète le feu, puis il pète feu, en plus, il est en mouvement. Pète fort. Là. T'es arrivé à quelle heure? 5h, 6h? 5h20, à peu près. Il pète, mon gars, il drive ça. Pis, hey, oui, il était là, il se lève de tati, on installe l'ordi, on débarque, il chante, et tout. C'est bon, Pat. Des fois, tu vois, ça prend une petite pierre au rein pour se remettre sur le piton. Mais c'est fait de quoi, les pierres au rein? C'est bâti à partir de quoi? C'est du calcaire, puis on m'a expliqué ça comme ça, c'est un calcaire. Faudrait aidez-moi, là, s'il y a des gens qui écoutent, là. C'est du calcaire qui se durcit, là. Je sais, quand qu'est-ce qu'on mange qui prévoit du calcaire? Je sais qu'est-ce qui enlève du calcaire. Oui, on peut boire du CLR pour éliminer du calcaire. C'est vrai, j'aurais pas pensé. Non, mais le calcaire, par exemple. Les boyaux, ça. le calcaire se forme naturellement dans ton organisme. Je veux pas rire de ta cause, non, parce que champion, man, c'est quelque chose en crise, je pense. Je le souhaite pas à mon pire ennemi. Ouais. Ah, oh, fuck. 3-0 Washington. J'en ai nommé des estimés. Ah, blanchissage, Cristobal. Hey, d'ailleurs, on va peut-être embarquer là-dessus, là. Je t'ai préparé un petit dossier, mon Pat. Vas-y donc. Ouais, là, sauf que t'en as un peu, là, je m'en allais en tabarnak. Attends un peu. Faut que je replace une coupe de petites patates. Écoute, cette semaine, on a eu encore toutes sortes d'événements majeurs qui ont eu lieu partout dans la Ligue nationale. Effectivement. Ça s'est passé à Montréal comme ailleurs. On s'attendait à quelque chose de big. C'est jamais venu, malheureusement. Non, mais ça s'en venait, par exemple, parce que, bon, Huey était parti. Oui. Donc, il y avait des négociations sérieuses qui se faisaient. Ça, c'est dans certain. Le but d'obtenir un autre échange. Quelque probablement chose. Le quelque choix chose. De deuxième ronde qu'on a récolté pour Huey. Sauf que ça n'a pas fonctionné, là. Non, mais c'est ça. Tu sais, je pense que on n'avait pas de plan B, malheureusement. Ça, ça a manqué beaucoup, là, parce que... le seul plan, c'était de négocier un joueur de gros calibre. Puis, ce qui est arrivé, si je me fie aux rumeurs, c'est que le nom de Johan Hedberg aurait sorti dans les discussions entre le Canadien et les Trashers. Okay. Donc, ça a convaincu Gainé de compléter la transaction pour Huey. Okay. Donc, c'est pas grave, aller rechercher Johan Hedberg. Fait que ça va être un gardien expérimenté. Bah, sauf vraiment. Qu'il l'a pas eu. Non, mais tu sais, plus expérimenté que Price, moins que Huey. Ouais, donc, je vais pouvoir jouer la game du celui qui gagne a le filet. Parce que c'est pas une game à jouer avec Huey, ça. Non. Fait que, tu sais, d'un côté, c'est bon qu'il l'ait renvoyé pour ça. Il dit, garde, je jouerai pas ça avec toi. Mais avec Halak puis Price ou avec Hedberg puis Price, ça aurait bien passé cette game-là, puis les gars se seraient battus pour avoir le filet. Ouais, bon, sauf qu'il a pas été capable de se rendre au bout parce que, comme on a vu Ossa hier, hier ou avant-hier, c'est blessé. Ouais, c'est ça. Là, c'est quoi? Huet est supposé de partir? Non, Huet était pas supposé partir au début. Sauf que, dans les négociations, à un moment donné, le nom de Johan Hedberg, le goaler, un des goalers des Trashers, a sorti. Ah. Fait que là, il négociait Ossa puis Hedberg. Fait que s'est dit, OK, il m'a complété la transaction avec Cristobal. Fait que je vais pouvoir amener Johan Hedberg, qui est moins expérimenté que Huet, mais plus que Price, puis je vais pouvoir continuer à jouer à la game du goaler qui gagne la partie, va avoir le filet la partie d'après. Okay. Puis il va le perdre la journée, qui va perdre une game. tu peux pas jouer ce jeu-là avec Huet. Okay. Pas avec l'expérience puis l'âge qu'il a, tandis qu'avec Price, Halak puis Hedberg, au pire, là, ça aurait bien passé. Sauf qu'il a pas été capable de se rendre au bout parce qu'il y avait pas assez de matériel, il aurait trop perdu, puis ça s'est blessé hier. Donc, sa fin de saison est pas mal comme fini là. Ouais, c'est fait ça. On aurait perdu à ça, puis à la fin de la saison, on le perdait anyway. Fait que ça donnait quoi de cracher tous nos gros morceaux. D'un autre côté, Huet, on s'en est débarrassé pour un choix de deuxième ronde. C'est ça qui fait mal. Ouais, moi, je pense que Huet, pour ce qu'on a eu, on aurait dû le garder en backup au pire. Mais de toute façon, le jeune... Huet, il aurait jamais joué ici comme deuxième gardien. Ben, il a pas jamais. Le choix. Il est signé, tu sais, je veux dire... Ben, c'est pour ça, il aurait fait comme Roy. Il se serait arrangé pour se faire échanger. Il a pas le même tempérament du tout que Patrick Roy. C'est un gars pas mal plus docile. Non, mais il aurait très bien compris. Moi, je me souviens quand Huet a commencé, là. Oh, des petits bouts de Ron. C'est la soupe à Ron. La wish list de Ron. Qu'est-ce qu'on voulait avoir pendant les échanges? Ron, lui, il y a personne qui le sait, mais c'est lui qui contrôle le Canadien. Mais, ça se rend pas jusqu'au bout, tu sais. Il pense. Fait que là, bon, ben là, on va partir premièrement avec ça. Ça va nous mettre dans le beat, là. Ouais, hein? C'est bon. Eh bonne, bon, OK, attends un peu, on va tasser ça. Ça part quand ça part, hein? C'est dégueulasse. OK, c'est parce que notre ami ici, là... Ron Fournier. On parle à Patrick. Patrick, bonsoir, monsieur. On a parlé d'un gros centre aussi qui pourrait venir aider, ou un centre qui pourrait venir aider sur un troisième trio. Bobby Olic. Et je vais m'expliquer encore. Olic, il est pas dans ma soupe. Non. C'est pas un de mes ingrédients. Chris Gratton. Gratton. Écoutez bien là. Lui, la je sais pas qui. Jason Arnott. Ça, j'en ai aucune idée. Laisse-moi finir avec Prosper. Si tu veux que je finisse ce dossier-là... Vas-y. Tu donnerais quoi, toi, pour ça? Ben, il y a un autre pro. Le trio complet. Ah, oui. Le trio de Koivu, Ryder, la frite, la poutine avec le burger. Si. Non, mais ça veut dire. Non, mais il y a une deux. Ouais, mais ça, on va jouer avec qui? On va jouer avec qui, avec Béjin? Avec la petite costine. Ah, ça se fait. Là, Burger était chaud. Oui, il était chaud d'ail. Des fois, c'est ça, c'est lui qui, des fois, il l'échappe. Il s'échappe. Là, il était pacté. Oh, oui, c'est ça. Mais à Montréal, on attendait quelque chose, tu sais. C'est gros. Alors, moi, je dis que, attendez-vous à ce que le Canadien annonce aujourd'hui quelque chose de big. Le big. Là, les gars sont énervés, évidemment. Le big. On va plus dire une niaise pareille. Un petit mot, là. Il y a quelques points. Écoutez, les gars, dans la Ligue junior majeur du Québec, dans la finale, à Moncton, on a retardé de 24 heures un match. Oui. Parce que la bâtisse est allouée. Ben oui. Ben oui. Mais oui. Écoutez, à Montréal, là, vous choisissez d'envoyer le Canadien sur la route dans le temps des fêtes pour faire plus d'argent encore avec le spectacle Walt Disney. Les gars sont dans le champ, ça se peut pas. Incroyable. T'as bien confirmé, Michel, ce qu'on dit depuis commencement de la Jean Perron, qui, lui, sa wishlist. N'admettent pas qu'on a besoin. Ben, à un moment donné, tu le mettrais, ce gars-là, là, à soi. Ils veulent un top. Moi, je veux dire une chose. Si on a encore bien la tendresse, là, pour dire, hey, la tendresse, de temps en temps, il va falloir que tu jettes tes gants. Parce que, tu il y a le physique de Cam Neely, puis il y a des habiletés comme Cam Neely. Mais quand Cam Neely décidait qu'on passe au catch, mais Cam Neely, ça fait longtemps, hein. Un peu, là. On attend quelque chose. Le Canadien annonce aujourd'hui quelque chose de big. Jarrett Stoll, moi. Ah, mais ça a été big, par exemple, qu'est-ce qu'il a annoncé, là. Jarrett Stoll, qu'est-ce que t'en penses? Ben, il n'y a rien de big, là. Alors, moi, je dis que. Non, je te parle de l'échange de huit. À ce que. C'est encore moins big. Le Canadien annonce aujourd'hui quelque chose de big. Un choix de deuxième ronde. L'équipe est moins forte que la veille. Je m'excuse, mais ça a été une esti de grosse nouvelle de se faire péter ça à 11h30 d'en face que huit a été échangé. Excuse, huit. Huit, là. D'ailleurs, je crois qu'on a la réaction de Burgie quand il a su la. C'est pas essayé de te faire ça. Avec son rhum coco. C'est pas que. Il a appris une nouvelle, là. Ça y a su la banane. C'est son wing qui a passé de travers. C'est dans le dos. Un pitching wing. Est-ce que oui, mais Balayus fait ça quand le sac est plein. Hein. Ça, c'était. Il a avalé de travers une tendrelle. Ah, ben, c'est parce pas que drôle. J'ai goûté, finalement. Hein? Moi, non. J'ai pas osé. Fait que les gars, ils étaient tous dans le champ. C'est on ça. S'attendait à quelque chose de big. Ouais. C'était pas ça, par rapport. Mais ça a été big comme nouvelle, quand même, de se faire dire que Huette était échangé. Ben, pas big, mais c'était surprenant parce que s'il y a un joueur du Canadien que je m'attendais pas à voir partir cette journée-là, c'est bien Huette. Ouais. Hey, on avait Ryder, Caillou, qu'on pouvait faire partir comme ça. Hey, Crackwood, man, on aurait pu t'échanger ça de même. Bing bang, ouais, c'est personne fini. Personne en veut. Non, mais je sais, mais c'est des joueurs qu'on aurait pu mettre ça à la touche. Non, est-ce qu'on envoie Huit? Mais quand Huit était, il avait commencé ici, dans l'aréna, ça chantait son nom, man. Huit. Je me souviens de ça, man. J'étais dans l'aréna, man. Puis là, on le remercie, hein. On le remercie avec un choix de deuxième ronde. Moi, je trouve que c'est un manque de respect, un peu un manque de classe à l'égard de Christophe. Qu'est-ce que ça vaut à cette heure, un choix de deuxième ronde, quand tu sais pas pantoute si le joueur se développe? C'est le 30e ou le 60e. Ça vaut pas grand-chose. C'est le choix de Anaheim, si je me trompe pas. Oui. C'est un choix des Ducks. Oui. Le deuxième. Les Ducks, on va s'entendre que cette année encore, ça va finir dans le top. Overall. Si la tendance se maintient, le Canadien va avoir le 30e ou le 60e choix du repêchage. 52-54. Ce point-là. Ou le 30e. Ben non, c'est deuxième choix. C'est la deuxième ronde. Fait que c'est dépasser 30, c'est après ça. 30 et plus. Il en passe une vingtaine. Fait que c'est 50 dans le coin. Fait que on n'aura pas... Puis ce sera pas un joueur connu, là. Non, ce sera pas... Il va falloir qu'il se développe. Ça développe, ça dit, là. Fait que ça va prendre... C'est ça, ça sera pas un petit Crosby, là, puis un petit Malkin qui va arriver. Ça va prendre au moins... 3 ans avant qu'on voie de quoi par rapport à ça. Ouais. Fait qu'on s'en est vraiment débarrassé. C'est ça que c'est carrément. Comme, mais d'un autre, comme Ribeiro, d'un autre côté. Ouais, Ribeiro. Ben, ouais. C'est la même chose. D'un autre côté, la question a été lancée à propos de ça. Puis je me dis, c'est pas bête comme question. Est-ce que Huet vaut vraiment un choix de deuxième ronde? Ben, il vaut un petit peu plus, d'après moi. Mosu. Avec qu'est-ce qui est. Ben, avec qu'est-ce qu'il a montré? Qu'est-ce qu'il est en train de montrer ce soir, là? Il était encore à 2-0, là? 3. 3-0, ouais, c'est encore 3-0. Mieux. Je pense qu'il valait plus qu'un choix de deuxième ronde. 5 minutes. Ben, ça fait longtemps qu'on le sait. L'année passée, il y a 2 ans, il a fait une fin de trois dernières games, je l'aurais même pas pris pour un choix de 7e ronde. Ouais, mais ça, tu peux pas voir à court terme, de même. Mm. Quand t'es dans le hockey, là, faut que tu vois ce qu'il a fait. Faut que tu regardes les services qu'il a rendus à l'équipe de foot. Exact. Faut que tu vois, tu regardes son âge, là. Il est à l'âge où le gardien atteint sa maturité. Mm. Ça aussi, là, je me dis, un jeune gardien de but, c'est bien beau, mais ça prend au moins 20, jusqu'à temps qu'il n'ait pas 28, 29 ans. Là, il est à son pic, là, présentement. Là. Moi, je vais vous dire ma théorie. Là. Ouais, vas-y donc. La journée, la date limite, dans le fond, c'était le Boxing Day de la Ligue nationale, là, mardi passé. Nous autres, on était tous branchés à l'école sur des portables. On avait trois profs. On était trois profs d'éducation physique qui avaient les portables dans l'école. On était un peu dispersés partout. F5. On avait tous branchés sur TSN, RDS. RDS Online. Ouais, ben, SCKC, on fait leur gros site. Ben oui. Advent. Puis, quand j'ai su que Huette a échangé pour un choix de deuxième ronde, j'ai dit, bon, ils se trament d'autres choses. Ben, moi aussi. J'ai dit, ce choix-là, US, c'est sûr qu'ils l'ont pas échangé pour un choix de deuxième ronde, ça se peut pas. Johan Edberg? Tu peux pas avoir fait ça. Non. C'est qu'ils voulaient utiliser, parce qu'ils voulaient peut-être, ils voulaient redonner le choix de deuxième ronde, fait qu'ils auraient refilé peut-être autre. Leur sien ou celui d'Anaheim, mais qu'ils gardent le choix pareil. Puis là, j'ai dit, ils vont mettre ça dans la transaction pour aller chercher de quoi de gros avec deux, trois jeunes, exemple, pour un Ossa ou pour un Jokinen. Fait que j'ai dit, ils vont offrir un choix de deuxième ronde. Regarde Pittsburgh, ils ont donné un choix de première ronde. Oui, oh, ben, Pittsburgh, ils ont payé cher, ben, on s'entend ça. Aussi. Là. Peut-être que le Canadien, lui, avait offert son choix de deuxième ronde. Plus deux ou trois joueurs. Ouais. Puis ça a pas passé, ils ont préféré l'offre de Pittsburgh. Mais, tu crois-tu à ça qui était dans la course jusqu'à la fin? Qui ça, deux joueurs? Le Canadien va faire deux joueurs. Trois en tout. Il demandait quatre. Puis il demandait un quatrième joueur, un défenseur, je me trompe pas. Puis le seul joueur, on n'a pas su c'était qui, mais le seul joueur qui était demandé par Anaheim, et on pouvait pas s'en dispenser. Ouais. Avec Anaheim? Pas Anaheim, qui était demandé par les Trashers. Okay. Pour la négociation, on pouvait pas s'en passer. Bon, c'est ce que Carbo a dit. Okay. Il dit là, il leur fallait un bon défenseur. Bon, ça devait être ils Auburn. M'en ont demandé un, puis je pouvais pas leur envoyer. C'est Auburn, parce qu'il y avait sur les quatre qui demandaient, il y en avait trois qui jouent présentement. Ouais, mais Grabowski qui était rappelé cette journée-là aussi, hein. Ben, il faisait peut-être ça. Partie de l'entente, lui aussi. C'est sûr, c'est celui justement qui avait pas joué encore avec le Canadien. Là, il est pogné aussi, il est pogné avec. Vas-y. Ouais, en tout cas, ça pour dire que un peu déçu d'un deuxième choix pour Cristobal. Au moins, il laisse un petit peu de place à la marche salariale pour cet été. J'espère c'est que ça. Cet été, il va se passer de quoi, là, par exemple? Parce qu'il va nous falloir un autre gardien quand même là, la saison prochaine. Ouais, c'est drôle, Alec, je fais confiance. Plus Alec que Price, même. Je suis weird, hein? Moi, je trouve ça touché, les échanges, parce que tu sais jamais quand est-ce que ton joueur il va se blesser. Tu sais jamais quand est-ce qu'il va avoir un cancer. Ouais, check les Nordiques de Québec. L'année après avoir été vendu, ils ont gagné la Coupe Stanley. C'est quoi qui a changé dans l'estime d'équipe? Le coach. That's all. Il a été chercher Patrick Roy. Ouais, il y a ça aussi. Il y a Pat Roy qui est arrivé. C'est la pièce maîtresse qui manquait, un gardien. Jamais que ça serait arrivé. L'année d'avant, il y avait la même équipe, mais il n'y avait pas le gardien. Puis dans le temps, Québec, les Nordiques avec les Canadiens n'auraient jamais échangé ça. Mais non. Ouais, c'était qu'il aurait joué pour Tremblay puis il est parti, c'est tout. Ouais, mais il n'aurait jamais été échangé si les Nordiques auraient été à Québec. Jamais le Canadien l'aurait envoyé à Québec. Non, la rivalité était trop forte. Ben oui, ça aurait été casse-cou, ben. C'est ça qui manque, man. Il y a des rivalités, man. Que ça manque, hein. Ben, on va pouvoir revivre celle de Canadien Nordique avec la prochaine saison de Lancer Compte. C'est l'histoire de la rivalité canadien-nordique. C'est ça, ça va être ça. Mais ça va être canadien-national. Ouais, mais c'est pas real. Non, c'est ça. Ben, quand Marcel Aubu est pris pour jouer le directeur général du Canadien à ce temps-là, tandis qu'il était un des Horner des Nordiques de Québec, c'est comme Chris, ça a pas de bon sens. Ça n'a pas de crédibilité. Mais tu sais que Jean Tremblay, au début, quand il a écrit la série, c'était avec les Canadiens qui voulaient faire ça. Ouais. Puis il s'est fait refuser ça par le club de hockey. Puis il a dit, bon, OK, c'est correct, on va s'en aller vers les Nordiques. C'est ça. Mais je sais pas comment ils les auraient appelés, par exemple, hein, parce que là, ils pouvaient pas prendre... C'est le National. Ouais, les Nationales. Ça aurait été le National de Montréal? Non, c'est le National de Québec contre le Canadien de Montréal. Non, mais je veux dire... Les autres équipes ont tout le temps eu les mêmes noms, autres que celle de Québec qui a nommé le National. Il rappelle les Canadiens, les quadricolores. Ouais, c'est quelque chose de vrai. Il aurait trouvé un nom bizarre. Les Patriotes. Ouais, c'est ça, il aurait appelé ça, en tout cas. Fait que pour les transactions, il y a d'autres clubs qui ont bougé, par exemple. Ben oui, ben c'est ça. Écoute, il y a des équipes qui sont vraiment améliorées. Là. Tu peux regarder Washington, ils ont été très actifs. Ils ont fait à peu près 7-8 transactions. C'est une équipe qui s'est améliorée beaucoup. C'est pas elle qui s'est améliorée le plus, mais c'est l'équipe qui a le plus bougé. qui s'est amélioré. Mm-hmm. Les équipes qui sont améliorées le plus à mon niveau, là, de, je veux dire, à mon opinion, à moi, je pense que c'est Penguins de Pittsburgh. Dallas. Dallas, mm-hmm. Colorado. Buffalo. Buffalo s'est amélioré un peu, mais vraiment les trois équipes qui sont le plus améliorées, c'est vraiment Dallas, Pittsburgh. Tu vois, jusqu'à aujourd'hui, pas mal Colorado. Tout le monde me disait ça, puis à partir d'aujourd'hui, tout le monde m'a dit que c'est les Stars finalement qui se sont le plus améliorés. Parce que c'est eux autres qui ont gagné. Non, mais c'est parce que ça y est plus là. Parce que Pittsburgh a perdu, puis Ossa est blessé. C'est ça. Buffalo est en train de perdre. C'est ça. Comment c'est arrivé à ça? Moi, j'étais pas là. Ossa s'est blessé au genou. OK. Face à face, genou à genou. Ouais, au quatrième, à peu près à son quatrième chiffre dans le match. Ah, si, ouais, il a même pas fait un match. Il a fait une douzaine de chiffres. Je pense que c'est son treizième chiffre. Il a pas fait la première période. Ah, c'est que c'est chiffre. On s'entend que le DG, c'est pas drôle. Là, il est perdu pour, je vous l'annonce, 4 à 6 semaines. Ouf, ça peut changer la donne, ça. Ça fait mal. Fait que là, les pingouins, là, Crosby, réveille, pis amène ta gang à. Ah, mais je suis pas encore. Inquiète-toi pas quand il va revenir. Oh, ouais, mais quand tu vas revenir, man, réveille, pis amène ta gang à la coupe si vous voulez avoir ça dans votre équipe l'année prochaine. T'as Brad Richards avec Dallas hier, son premier match, il a fait 5 passes. C'est comme assez. C'est notable. Lui, je l'aurais pris, tu vois. Ben, mais hein, moi aussi. Il coûte cher, mais je l'aurais pris. Assez cher, mais. On a de l'argent, ça. C'est ça. Colorado a signé Forsberg. On signait Adam Foote. Ouais, il vit dans l'ostagie, hostie. Les Nordiques sont morts. Morts. M-O-R-T. Ben, morts. Les trois gars qui ont été cherchés, les trois faisaient partie de l'équipe lors de la dernière conquête de la Coupe Stanley de l'Avalanche. Ouais. Les trois. C'est sûr que tu vas chercher d'une expérience. Exact. Mais c'est pas tout dans la vie. Regarde, Forsberg, là, c'est boire des chevilles de magané de même. Fais attention, hein, parce que tu te souviens-tu de Pat Dagenais? Non, je connais Pat de Bat. Pat Dagenais. Ouais, Dagenais, dans le Canadien. Ouais, c'était pas Pat. Ouais? Non. C'était moi, Patrice Dagenais. Non. C'était qui de bord? Ben, c'était pas Patrick. Ouais. J'ai fait. OK, mettons Pat. En tout cas, c'était Dagenais. En tout cas, Dagenais. Ouais. Non, ouais. Peter, excuse. Ouais. C'était Pierre. Il est rendu où, lui? Pierre Dagenais, ouais. Ouais. Il est rendu où, lui? Chez eux. Ouais, il joue plus ça longtemps. Dagenais? Ben oui. Je m'excuse. La Ligue américaine, le semi-pro. Il est en Autriche. Ben c'est ça. Puis c'est le top pointeur de son équipe. Il a 40 points, 23 buts, 17 passes présentement. C'est comme la Ligue midget. Comme si tu vas jouer Koivu dans le Pee-Wee 2A. Lui il va faire 48 points en deux matchs. Pense pas. Le calibre n'est pas le même. C'est sûr. Mais bon, OK, ça fait. Je t'ai écœuré. Ouais. Merci. Ah ben, si t'es écœuré, je veux juste que tu passes ma cote. Passe la cote de Québécois écœuré de l'hockey, voyons donc. Non, mais c'est parce que au début de la saison, attends, il faut que j'explique par exemple. Au début de la saison, on a fait nos prédictions pour les séries. Ouais. Hein. Écoute Gaston Therrien. Ah, tu veux pas Maccabé? Non, c'est Gaston Therrien. Ah, on peut s'entendre Maccabé? Qu'est-ce qu'il a fait? Ah, ça c'est l'alerte manquée Maccabé. On va aller voir. Il y a presque pas de joueurs ici du côté du Canadien au Centre Bell, Jacques. Pour les raisons que tu connais très bien, on ne voulait pas qu'il soit mêlé à toutes les discussions qui vont survenir. Oui. Yvon, excusez-moi, on a une alerte transaction. On vous revient dans quelques secondes. Un breaking news. Alors, à Washington, on s'en va rejoindre Félix et Gaston. Bon. Alors, transaction. Ah, mais on va y retourner un petit peu plus tard. Alors, Sergei Fedorov, qui vient d'être échangé au Canada Washington. Washington, messieurs. Alors, C'est 4-0 Washington. Oui. Aïe, aïe. Brashear vient de marquer. Ça, c'est toute une alerte de transaction manquée. Washington, Ça, c'était Chantal Maccabé. C'est elle qui animait la journée transaction. Ouais. Hey, t'imagines-tu, j'étais pas capable de pogner aucun poste anglais qui faisait les transactions parce que j'ai pas TSN chez nous, j'ai pas Sportsnet non plus. Fait que j'ai été pogné à endurer Maccabé de midi à 5, man. J'ai une question, les postes anglais, ils ont aussi des femmes qui commentent le hockey? Non, mais il y a des femmes. À Sportsnet, t'as eu Hazel May pendant longtemps qui a fait Sportsnet News le matin. Mais à part ça, non, à TSN, il n'y a pas de filles vraiment. Il y a des filles qui font des bulletins de nouvelles, là, mais à part ça, non. Okay. C'est peut-être juste moi, mais j'ai l'impression que ça fit pas. Non, hein? Ben, il y en a qui fit, mais regarde. Non, c'est parce que les filles qui commentent le hockey, il faudrait qu'ils soient comme en bouche avec un chandail des Canadiens pis qu'ils boivent la bière en même temps, et en même temps qu'ils commentent, tu sais. Moi, je verrais ça de même, tu sais. Comme Bergie. Ouais, c'est quoi, vous qui shoot? Yeah! Ouais, Sylvie, passe-moi une chip, c'ti. Yeah. Même Pierre-Yvon, ça lui ferait du bien aussi, des fois, une petite bière avant game, là. Ah ouais, c'est chaud dans le but, mon dîner. Juste pour les game de femmes. Les fesses desserrées un peu. Okay. Les fesses desserrées. Non, ouais, parce que c'est ça, au début de la saison du Canadien, puis tout ça, on a fait nos prédictions, qui allait gagner les séries, qui allait aller en série, et Gaston Therrien cette semaine, m'a appuyé sur mes dires. On Adam Foote prend la direction du Colorado. Donc, les Blue Jackets échangent Adam Foote à l'Avalanche. C'est un retour pour Foote au Colorado. Là, on parlait de Forsberg. Maintenant, on parle d'Adam Foote. On a rajouté un attaquant. On rajoute un défenseur. Et moi, tout ce que je peux souhaiter, c'est que José Théodore reste le gardien de but qu'il est dans le moment, c'est-à-dire un gardien de but dominant. Il doit être capable d'être un joueur qui va amener Colorado autant à participer aux séries que de gagner les séries. Donc j'ai toujours des chances, je suis pas le seul à penser que Théo est à la coupe cette année. ouais, mais il rêve en couleur. Ouais, mais hein. Ben là, Grim, regardez, je suis pas tout seul à penser tout croche au moins. Non, t'es pas tout seul. Vous êtes deux, vous êtes en HD. Vous rêvez en HD. Mais Théo vient d'en soudoyer un autre, là, c'est tout. Fini là. On passe à d'autres choses. On parle de baseball? Ouais. Non, boxe. Oh, boxe. C'est ben vrai. Oui, à soir. Michel Boutet à 22h45, elle va affronter William Choppy ce soir au Centre Bell. Jappy, c'est pas Jappy. Je pensais que c'est Jappy parce qu'il jappe en esti. Il jappe tout le temps. Oui. Cette semaine, il jappait. Jappe fort. Il a jappé même... Montréal, c'est une ville de hockey. Ouais, vous n'avez pas des boxeurs qui font du sens. Puis... Va-t'en à Las Vegas rencontrer Mike Tyson, tu vas voir qu'on a des boxeurs qui ont c'est du ça. Sens. Mais lui, il a quand même 30 victoires. Ben, il y a plus que 30 victoires, mais il y en a 30 par KO. Fait que Boutet, il faudrait qu'il fasse attention un peu. Tu sais, des fois, tu peux tomber dans le piège de vouloir faire un spectacle. Tu sais, la foule, t'es chez vous, tout le monde crie. Oh, on a un téléphone. Oh, it's ringing. C'est en ligne rouge. Ouais, c'est le téléphone rouge. C'est Batman. C'est le Batman. It's ringing on the ring. De nulle part. Bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir. Mon nom est Antonio Rey et je représente Ipsos Rey de la Société nationale publique d'études marketing par enquête. Oui, c'est pour un sondage? Oui. Parfait, on a le temps. Ah, vous voulez qu'on vous parle à un autre moment ou bien un autre jour? Non, allez-y. Non, allez-y, on a le temps. Comment? Oui, on est prêt. Ah, vous aimez participer au sondage? Bien sûr. Ben, c'est-tu long, monsieur? Comment? On a une pause dans 10 minutes, c'est-tu long? Dans 10 minutes? On a 10 minutes devant nous. Est-ce qu'on a assez de temps? Non, le 10 minutes, ça suffit pas parce que le sondage prend plus que de 10 minutes. Plus que 10 minutes? Peut-tu le faire en deux batchs? Non, hein? OK. Ben, c'est combien si c'est pas 10 minutes? C'est 20? Oui, en moyenne, c'est 15. Mais peut-être ça prend plus que 10 minutes, oui. OK, on essaye, puis on va essayer notre possible. Hey, Bob, la pause dans 15! Donc, vous aimez commencer? Oui, on va faire un carrousel. OK, allons-y, je pars. Allez-y. Oui, on commence alors? Oui, vas-y. Oui. Travaillez-vous ou une personne de votre foyer travaille-t-elle pour une agence de publicité, de relations publiques ou une firme de communication? Non. Les médias, notamment la télévision, la radio ou les journaux? La radio, non. Surtout pas la radio. Non. La radio, la télévision ou les journaux et les médias aussi. Non, moi, je suis dans un casse-croûte. À votre avis, quel est le problème le plus important auquel le pays est actuellement confronté? La gestion du pays en tant que tel. La gestion du pays? Oui. Tout ce qui se passe au niveau gouvernemental. Oui. Le fait qu'on a un gouvernement minoritaire, qu'on a un gouvernement qui n'est pas branché. Un gouvernementaire. Ouais. Oui. Donc, vous voulez dire, par exemple, la corruption, les scandales gouvernementaux, comme ça? Oui, ce genre de scandales, comment ça se manigance, comment on n'est pas au courant de ce qui se manigance. Quel est le deuxième problème le plus important après que vous avez signalé le premier? Y a-t-il vraiment d'autres problèmes? C'est les problèmes majeurs. Je pense pas que les algues bleues, c'est un autre problème considérable. Non, mais la santé, par exemple. La santé, ouais. Le système de santé. À vous donner pour la santé. Oui, ben le système de santé en tant que tel. Les soins de santé en tant que. Oui, le système. Oui. Je vais vous lire une liste de problèmes. J'aimerais savoir si vous êtes très préoccupé, passablement préoccupé, pas tellement préoccupé ou pas du tout préoccupé par chacun de ces problèmes. L'économie et la création d'emplois. Pas du tout. Pas du tout préoccupé? Pas du tout préoccupé. La criminalité et la justice. Très préoccupé. L'éducation. Pas du tout éduqué. Excusez, pas du tout préoccupé. Non, oui, préoccupé, pardon. L'environnement et la pollution. Pas du tout préoccupé. Les approvisionnements futurs en pétrole et en gaz qui seront accessibles aux Canadiens. Ah, ça, c'est très, très, très important. Donc, vous dites très préoccupé. Très préoccupé, monsieur. Les soins de santé. Moyennement préoccupé. Moyennement, c'est-à-dire, vous voulez dire passablement préoccupé? Passablement, oui. C'est bien dit. J'aimerais connaître votre opinion sur plusieurs types d'entreprises et d'organismes canadiens. D'accord. À l'aide d'une échelle de 1 à 7, où 1 signifie très défavorable, 4 neutre et 7 entièrement favorable. Quelle est votre opinion générale des groupes environnementaux? 1. Vous donnez 1? S'il vous plaît. Vous donnez 1 pour ça? S'il vous plaît. Votre gouvernement provincial, combien vous donnez? Provincial? Oui. 2. Les médias, incluant en général les journaux, la télévision et la radio. Avec ou sans LCN? Avec sans ou quoi? LCN. LCN, quoi, LCN? TVA? Non, il n'y a pas ici. On parle de okay. Les médias, incluant en général les journaux, okay. Les médias. 0. Il n'y a pas de 0. Il y a entre 1 et 7. OK, bon, on va dire 1. Mais c'est vraiment parce qu'on n'a pas le choix. Le gouvernement fédéral? On va donner 3. Me sens généreux. L'industrie pétrolière et gazière canadienne, c'est-à-dire les sociétés d'exploration et de production des ressources suivantes. Pour le gaz? L'industrie pétrolière et gazière canadienne, les deux. Ah, les deux? Industrie pétrolière et gazière. Oui. Un chaque, on va dire 2. Donc, vous voulez dire... Vous voulez dire 2 ou bien 1? Vous avez dit pétrolière et gazière. Oui, mais... OK. Pétrolière 1 plus gazière 1, ça fait 2. Je vais mettre 2. Mais, les deux ensemble. Ah, deux. Vous voulez donner 2? 2, 2. Oui, 2. Et les banques canadiennes. Pardon? Les banques canadiennes. Les banques? Oui. Oh, mon Dieu. Attendez. Là. Les banques... Moi, je vais t'avouer que je fais affaire avec les banques énormément ces temps-ci pour des choses de succession et tout. Je leur donne un 3,5. Non, 1. 1. 1? Ah oui. OK. C'est 1, monsieur. Ah, vous avez encore... À la fin, je vais décider à 1? Oui, s'il vous plaît. La Croix-Rouge. Ah, la Croix-Rouge, c'est bon, par exemple. Le plus haut, c'est 7? Oui. 7. Moi, je donne un 7. L'industrie forestière. Oh... Moi, j'ai pas aimé tellement l'histoire avec leur porte-parole. Là, je vais donner un 3. L'industrie du tabac. 1. Je suis contre. J'ai arrêté de fumer. J'aimerais également savoir quelle est la crédibilité de ces entreprises et organismes lorsque vous lisez des déclarations qu'ils font ou vous entendez un de leurs représentants faire des déclarations aux médias. Diriez-vous que le gouvernement fédéral est très crédible, passablement crédible, pas tellement crédible, pas du tout crédible? Pas tellement crédible. Les scientifiques et les organismes de recherche? Aucunement crédible. Donc, pas du tout crédible? Non, pas du tout. Les banques canadiennes? Encore? Moins passablement crédible. Les groupes environnementaux? T'as-tu un moyennement crédible? Moyennement, vous voulez dire passablement. Passablement. Oui, passablement. L'industrie pétrolière et gazière canadienne, c'est-à-dire les sociétés d'exploration et de production des ressources suivantes. Pas du tout crédible. L'industrie forestière. Ah, c'est crédible. C'est la même question. Non, c'est d'une autre opinion. Ah ouais, pardon. L'industrie forestière, combien vous donnez? C'est crédible. Crédible, très crédible ou passablement crédible? C'est très crédible. Ah ouais? Oui, c'est très crédible. La Croix-Rouge. La Croix-Rouge, extrêmement crédible. Il n'y a pas plus crédible que ça. On est fan. Votre gouvernement provincial? Moyennement, passablement crédible. Les médias, incluant en général les journaux, la télévision et la radio? Pas crédible du tout. Aucunement crédible. 0 encore. L'industrie du tabac? Passablement crédible. Selon ce que vous avez vu, entendu ou lu, diriez-vous qu'au cours des 20 prochaines années, le Canada aura de très importants approvisionnements de gaz naturel qui répondront sans aucun doute à ses besoins, d'importants approvisionnements de gaz naturel, des approvisionnements moyens de gaz naturel ou bien de faibles approvisionnements de gaz naturel? Gaz naturel, est-ce qu'on parle de produits pétroliers? Le gaz naturel, non. Mais le gaz, c'est le gaz. Oui, c'est du pétrole. Ce sont des... Mais en connaissant les industries pétrolières, on risque de se faire écraser l'industrie du gaz naturel. Mais la question maintenant derrière vous, au cours des 20 prochaines années, on va parler du futur, après 20 prochaines années, le Canada aura une de ces quatre choix. Le premier, de très importants approvisionnements de gaz naturel, d'importants approvisionnements de gaz naturel, des approvisionnements moyens de gaz naturel, ou bien quatrièmement, des faibles approvisionnements de gaz naturel. Faible approvisionnement de vous, gaz naturel. Vous donnez pour le faible. Oui. Encore une fois, selon ce que vous avez vu, entendu ou lu, diriez-vous qu'au cours des 20 prochaines années, le Canada aura de très importants approvisionnements de pétrole, d'importants approvisionnements de pétrole, des approvisionnements moyens de pétrole ou bien de faibles approvisionnements de pétrole? Ben, je pense qu'on va avoir d'importants approvisionnements de pétrole, mais qui ne seront pas distribués au peuple. Donc, c'est lequel vous songez? Très important, important, moyen ou faible? Ben, ça dépend pour qui, pour l'industrie pétrolière ou le peuple. Oui, je comprends votre opinion, monsieur, mais je dois savoir, je dois prendre une décision pour, à propos de ces éventualités que je vous donne. On va y aller passablement. Il n'y a pas passablement ici. Ah. Très important approvisionnement, important moyen. Approvisionnement, approvisionnement moyen. Moyen. Le pétrole et le gaz sont souvent classifiés de sources d'énergie classique. En songeant aux 20 prochaines années, croyez-vous que le pétrole et le gaz joueront un très grand rôle dans la satisfaction des besoins énergétiques du Canada, un grand rôle dans la satisfaction des besoins énergétiques du Canada, un rôle modéré ou bien un rôle insignifiant dans la satisfaction des besoins énergétiques du Canada? Bon, je vais y aller avec moi, insignifiant. Vous donnez pour un rôle insignifiant? Oui, insignifiant. C'est bien ça. Parmi les sources d'énergie alternatives figurent l'énergie éolienne et solaire. Encore une fois, en songeant aux 20 prochaines années, croyez-vous que les sources d'énergie alternatives comme celles-ci joueront un très grand rôle dans la satisfaction des besoins énergétiques du Canada, un grand rôle dans la satisfaction des besoins énergétiques du Canada, un rôle modéré ou bien un rôle insignifiant dans la satisfaction des besoins énergétiques du Canada? Possiblement. Il n'y a pas possiblement un très grand rôle, un grand rôle modéré ou bien un rôle insignifiant. Insignifiant. J'aimerais maintenant vous parler de l'industrie pétrolière et gazière canadienne. Plus particulièrement, je vais vous demander votre opinion sur les sociétés d'exploration et de production de pétrole et de gaz naturel du pays. C'est ce qu'on appelle le secteur en amont de l'industrie. Et lance et mange. Ce secteur exclut la vente de produits comme l'essence ou la livraison résidentielle et commerciale de gaz naturel. Un peu plus tôt, vous avez indiqué que votre opinion était deux lorsque je vous ai demandé de ce que vous pensiez de l'industrie pétrolière et gazière. En général, pourquoi votre opinion de l'industrie pétrolière et gazière canadienne est-elle défavorable? Parce que j'ai travaillé énormément longtemps pour des pétrolières et je sais comment ça fonctionne et je sais comment elles sont capables de manipuler pour que le peuple ne puisse absolument rien faire, et finalement, de nous avoir, pas compliqué. Ah, donc, j'ai compris votre opinion, mais ce n'est pas une raison, ce n'est pas une principale raison de défaveur. Pourquoi vous avez travaillé pour les compagnies pétrolières? Mais... Oui, j'ai travaillé pour pas mal toutes les compagnies pétrolières. Ah oui, mais vous avez dit... Mais pourquoi vous détenez une opinion favorable à leur égard? Favorable? Défavorable. Non, j'ai pas dit favorable. Tantôt, j'ai dit que c'était pas favorable. Non, vous avez... Non. Pas pour l'industrie, pas pour les pétrolières. Pour qui? Pour les pétrolières, j'ai jamais dit que c'était favorable. C'est défavorable. Oui, c'est très défavorable. Oui, j'ai compris, mais moi, je demande votre justification. Ben c'est ça, pourquoi c'est défavorable? Oui. Ben c'est ça, c'est parce que l'industrie du pétrole n'a pas un monopole, mais en réalité en a un. Et nous, comme peuple, simples citoyens, oui. Malheureusement, on peut bien chialer, on peut bien essayer de manifester, mais il n'y a rien qui peut se faire. Et au niveau des pétrolières, je sais pas, ça fait combien de fois que le gouvernement demande des justifications écrites pour l'augmentation de l'essence, et où sont ces justifications? Les pétrolières ne les donnent pas. Il y a aucune excuse qui est donnée, et puis les excuses qui nous sont données au peuple, ben c'est la foutue guerre en Irak, en Iran, puis à toutes ces places-là où il y a supposément beaucoup de pétrole, où est-ce qu'on exploite, puis c'est la raison pour laquelle le prix est très cher ou est moins cher. Des fois, c'est le dollar canadien, fait que c'est pas favorable pour nous autres. Nous autres, on paye, puis eux autres mettent du cash plein les poches. Puis ça, je l'ai su après avoir travaillé pour eux autres, parce que j'ai su comment ça se passait là-dedans. C'est pour ça que c'est très défavorable. J'ai compris votre opinion, mais je veux résumer par dire que vous voulez dire que les compagnies pétrolières exercent un monopole? Oui, c'est un monopole, mais qui est comme contrôlé, parce que tout le monde sait que l'essence vient pratiquement toute de la même place. Mais il y a Ultramar, Shell, Petro-Canada, les Sunoco, toutes des petites indépendantes comme ça. Oui. Mais le pétrole vient tout de la même place. Oui, fait qu'il y a un monopole, tout le monde sont sur le même prix, mais il n'y a pas personne qui se fait compétition, c'est impossible. Oui, entendez-vous? Mais il est contrôlé par qui? Vous avez dit que le monopole est contrôlé, mais il est contrôlé par qui? Par notre gouvernement. C'est le gouvernement qui contrôle le monopole, c'est lui qui essaie de décider, puis t'as des industries comme Ultramar, Petro-Canada, Shell, et etc., qui eux autres, ben... disent se rassembler pour dire que tout le monde va vendre le gaz à 1,12. Ça, si c'est pas un monopole, là, c'est un moyen de détourner un monopole, et le monopole est illégal au Québec. Demain matin, là, toi, tu décides de faire ton propre gaz, puis de le vendre. Est-ce que tu penses que les compagnies vont te laisser faire? Ah, donc, pas du tout. Le monopole est la cause des prix exorbitants, des prix trop chers. C'est ça. Quelqu'un augmente, tout le monde le suit. Quelqu'un baisse, tout le monde le suit. Puis tout le monde est au même prix. Dans une zone. Si je paye mon gaz 1,03$ à Montréal, je peux le payer 96 cents à Saint-Jérôme à 45 minutes de chez nous. Ça n'a pas de bon sens non plus. Pourtant, c'est le même gaz qui a été vendu à la même journée. Hein. Mais moi, je le paye beaucoup plus cher à Montréal parce que je suis à Montréal. Et il y a une étude qui a été faite aussi par rapport à ça il n'y a pas longtemps. Là, j'ai vu ça à la télé. Hey, on parlait de 6 cents de différence entre Montréal et Québec pour des mêmes journées. Là. Fait qu'il y a quand même des limites, là. Je vous ai très bien compris. Excellent. Prochaine question, s'il vous plaît. Oui. Une minute seulement pour... La question. Oui, oui, ça, faut qu'il résume. On a quelques auditeurs qui s'impatientent. Aïe. Vous et moi, on va se parler. On va essayer de voir comment on fait ce soir. C'est quoi déjà ton nom? Ibrahim. T'es-tu encore là? C'est très bon. Allô? Oui, oui. OK, c'est quoi ton nom? Antonio? Ah, moi, Canadien de Montréal mène 5-1 en passant contre Buffalo. On est en milieu de troisième. Est-ce que... J'ai une question pour vous, Antonio. Quoi? J'ai une question pour vous. Est-ce que Cristobal Huet a été très bon, moyennement bon, passablement bon ou très mauvais? Vous reprenez alors mon métier, hein? Vous commencez à me sonder, moi. Non, monsieur, il faut répondre très bon, moyennement bon, passablement bon et très mauvais. C'est bon. Répondez, s'il vous plaît. C'est bon, je veux vous... Cristobal Huet. Je vais vous répondre à la fin du sondage. Ah, okay, merci, continuez. Une minute. Ouais. Entendez-vous? Non, c'est lui qui bouge pas parce qu'il veut pas bouger. Allô, monsieur? Oui. La prochaine question? Je vais vous donner une minute. Mais hey! Je pense que ça a été long que je dise tout mon texte. Ben, il tape. Hein. Faut qu'il tout il le retape. En français en plus. Avoir su, je te renvoyé un courriel, par exemple. Maintenant, je veux vous demander d'évaluer divers aspects de l'industrie pétrolière et gazière canadienne. Veuillez utiliser une échelle aussi de 1 à 7, mais cette fois, 1 signifie que vous avez une très mauvaise impression, 4 que vous êtes neutre et 7 que vous avez une très bonne impression. D'accord. Quelle est votre opinion du secteur en amont de l'industrie pétrolière et gazière canadienne dans son ensemble lorsqu'il s'agit de donner suite aux préoccupations du public? Wow, je dirais un 3 dans le sens qui donne une réponse prompte, mais pas nécessairement très justifiante ou exacte. Complète. Combien vous allez donner entre 1 et 7? 3. Vous allez donner 3. Et de respecter les principes d'éthique en affaires. Yee! On a de la misère ici avec ça. Moins 5, ça se peut-tu? Non, OK, 1. Combien vous allez donner? 1. 1? De faire preuve d'innovation en matière d'élaboration de nouvelles technologies. Moins 10 ou 1, ça va faire. parce que on a déjà plusieurs moi je prenais ça plusieurs exemples ou de cas documentés où ce que ils prennent contrôle des autres technologies alternatives. Donc, pour les estomper et faire promouvoir la technologie pétrolière plus qu'autre chose. Excusez-moi, c'est quel vous avez donné de contribuer à l'essor de l'économie canadienne. Waouh. Ça contribue ça? Sûrement, je dirais peut-être 3, mais de façon très positive, je pourrais pas dire une, mais mettons 3 maximum. De tenir compte des préoccupations du public. Bon, c'est un peu relié à la question précédente, il y a deux questions de ça, ou deux, trois questions. Je dirais 3 dans le sens qui, oui, ils répondent, mais pas nécessairement de façon véridique. De communiquer efficacement avec le public. Bon, là, je dirais 2, parce que, je veux dire, c'est plus une communication unidirectionnelle, dans le sens que le peuple n'a pas de mots à dire dans ce qu'ils disent. De s'engager à protéger la santé et la sécurité publique. Je suis pas très bien placé pour commenter sur cet aspect. Je dirais 3. D'être proactif en donnant suite aux préoccupations du public ou en tentant de résoudre les problèmes. C'est peut-être moi, mais ça me semble un petit peu redondant comme question, mais... Combien vous donnez? Ça me semble pareil comme une question précédente, je dirais 3. D'appuyer des œuvres de bienfaisance et des causes communautaires. S'ils font quelque chose, je n'en suis pas au courant, donc 1. De la crédibilité de leur porte-parole. On les croit pas bien, fait que 1. D'être soucieux de la protection de l'environnement. Ouf! Ben, en estompant les autres technologies alternatives en promouvant, faisant la promotion de leur propre technologie, ça, en sachant que c'est très polluant, ben, on pourrait dire que 1. De leur performance réelle en matière de protection de l'environnement. Comment? De leur performance réelle en matière de protection de l'environnement. Bon, on sait bien que les installations pétrolières soient... que ce soit les sables ou si on drille dans des places où il y a du pétrole ou soit en brûlant les excès qu'on peut voir à Montréal-Est, je veux dire, ça peut pas être très, très consciencieux de l'environnement. Je vous dirais 1. À votre avis, quel est l'aspect le plus positif de l'industrie pétrolière et gazière canadienne et quel aspect requiert de l'amélioration? Commençons par les aspects de l'industrie qui, à votre avis, sont positifs. Quels sont qui vous viennent à l'esprit, qui sont positifs à propos de cette industrie? Peux-vous répéter la question? Oui, les aspects de l'industrie qui, à votre avis, sont positifs. De l'industrie pétrolière et gazière, on parle. Le coût, très positif. Bon, au niveau du gaz naturel. Au niveau naturel, à la pompe, ouais. Oui. Ah, naturel. Gaz naturel, c'est très positif. C'est ça, très positif. Donc, vous m'avez dit le coût? Le coût, très positif, oui. Y en a-t-il d'autres? Non. Passons maintenant aux aspects qui requièrent de l'amélioration. À votre avis, quel aspect de l'industrie requiert de l'amélioration? Le coût? Vous avez signalé le coût. Aussi, vous avez dit que c'est positif, le coût. Oui. Comment il va être amélioré? J'aimerais encore moins cher. Ah, qu'il soit moins cher. Oui. Mais vous avez dit que c'est positif. Oui, mais ça peut s'améliorer. C'est pas... Ah oui. Donc, vous voulez un coût moins. Moindre, exact. Plus justifié aussi. Tout à fait. J'aimerais ça savoir pourquoi je paye 1,13 le litre ici, pendant qu'ailleurs, on paye 1,09. Monsieur, vous appelez de où? C'est par simple curiosité. Oh, il est pas là, là. Vous appelez de quel pays, monsieur? De Montréal. Ah, il est à Montréal. Oh. L'Ultramar? Ah, c'est une firme de sondage. C'est la maison Ultramar? Firme de sondage. Y a-t-il d'autres aspects de l'industrie qui doit être amélioré, selon vous, autre que la compression des frais pour aboutir aux diminutions des coûts? Non. J'aimerais maintenant vous poser des questions précises sur l'engagement communautaire de l'industrie pétrolière et gazière. Je vous poserai des questions distinctes sur les dons en espèces et la participation communautaire. Premièrement, comparativement à d'autres secteurs, diriez-vous que l'industrie pétrolière et gazière fait plus que sa part juste en dons en espèces, à peu près sa part juste, ou bien moins que sa part juste à des causes communautaires? C'est quoi le troisième? À plus que sa part, à peu près sa part, moins que sa part. Est-ce que vous avez beaucoup moins? Non, c'est moins que sa part? Oui, c'est ça votre réponse? C'est le plus bas qu'on peut faire, hein? C'est moins que sa part en espèces, le don en espèces? Moins que sa part. Ensuite, diriez-vous que la participation de l'industrie pétrolière et gazière dans les communautés où elle exerce ses activités est supérieure, inférieure ou à peu près équivalente à celle d'autres industries? À peu près aussi inférieure que les autres industries. Vous allez dire à peu près inférieure ou bien à peu près équivalente ou bien supérieure. Il y a trois choix. Supérieure... OK, on ne peut pas faire un mix des deux. Je vais prendre... c'est un choix difficile. C'est à peu près. C'est oui, mais c'est inférieur. Enfin, je vais y aller avec inférieur. Ouais, le moins fort l'emporte. C'est inférieur. Lorsque vous songez au sens des responsabilités communautaires de l'industrie pétrolière et gazière, diriez-vous que l'industrie est devenue plus responsable au cours des dernières années, est devenue moins responsable ou n'a pas changé ses sens de responsabilité? Je suis pas d'accord. Non, ici, c'est devenu plus responsable, n'a pas changé, ou bien elle est devenue moins responsable. Ben, moins responsable. Comment l'industrie est-elle devenue moins responsable? Donnez votre justification pour cette question. Mon Dieu. Probablement qu'on s'est assis sur son laurier. Probablement qu'on a dit... C'est Buffalo, en plus. Marqué un but. Un but. Probablement qu'on s'est assis sur son laurier, on s'est dit, c'est nous qui mènent. Alors, on va faire comme bon nous semble. On peut même se permettre de défier le gouvernement. Mm-hmm. On est l'industrie pétrolière. Dans le fond, il n'y a pas personne qui peut se passer de nous autres. Mm-hmm. Puis là, ben... C'est l'oligopole. C'est ça. Le bonhomme carnaval. Là, monsieur, on avait dit 15 minutes. Est-ce qu'il reste encore des questions? Mais c'est vous que... C'est nous qui tirent, hein? Ouais, peut-être. Ouais, il y a ça aussi, c'est nous autres qui tirent. OK, on fait un blitz, en rafale. Ouais. Oh! Ça sonne en même temps, on va aller sur la porte. Mais allez-y pour le restant des questions, il n'y a pas de problème. Oui. OK. Très bon, moyennement bon, passablement bon, très mauvais, Christophe Alluet. Quelle est votre plus grande préoccupation quant aux activités de l'industrie pétrolière et gazière? L'environnement. La préoccupation qu'ils ont de l'environnement. Trop sérieux, là. Quelles sont vos autres préoccupations? Mes autres préoccupations? À part ça, il n'y en a pas beaucoup. Seulement l'environnement? Oui, ben ça rassemble beaucoup de choses. Tu parles au niveau de l'environnement, qu'est-ce qui est utilisé pour faire l'essence, la manière qui est traitée, la manière qui est transportée, la manière que les tanks sont prises, finalement, là. J'aimerais maintenant vous poser des questions sur l'environnement et les sociétés pétrolières et gazières. J'aimerais savoir ce que vous pensez de la façon dont l'industrie se préoccupe de l'environnement et comment vous évaluez sa performance en matière de protection de l'environnement. Premièrement, à votre avis, croyez-vous que l'industrie pétrolière et gazière est très préoccupée, passablement préoccupée, pas tellement préoccupée ou pas du tout préoccupée par la protection de l'environnement? Pas du tout. Pourquoi croyez-vous que l'industrie n'est pas du tout préoccupée par la protection de l'environnement? Le fait de supprimer les technologies alternatives et d'empêcher la croissance d'autres technologies, ça empêche un développement environnemental. À votre avis, quelle a été la performance de l'industrie pétrolière et gazière en matière de protection de l'environnement? À votre avis, la performance de l'industrie est-elle excellente, bonne, passable ou médiocre? Médiocre. Pourquoi avez-vous indiqué que la performance de l'industrie en matière de protection de l'environnement est médiocre? Mais je pense que ça a été expliqué à deux questions de ça. C'est parce qu'ils ont supprimé les technologies. Oui. Supprimé technologies. alternative. Oui, il tape les réponses. Oui. Hein? C'est un ordinateur. Vous c'est... tapez en même temps, bravo. Oui. C'est pas une joke. Type, think and talk. Wow. Tu penses, tu au cours des dernières années, croyez-vous que la performance de l'industrie pétrolière ou gazière s'est améliorée en matière de protection de l'environnement? C'est la réponse affirmative ou négative ou affirmative, positive ou négative, oui ou non? Non. Alors, vous donnez non pour cette question? C'est ça, oui. À votre avis, quelle importance l'industrie pétrolière et gazière a-t-elle sur l'ensemble de l'économie canadienne? Est-elle très importante, passablement importante, pas tellement importante, pas du tout importante? Très importante. Et à votre avis aussi, quelle est l'importance des produits de l'industrie pétrolière et gazière dans votre vie quotidienne? Ils sont très importants, impassablement importants, pas tellement importants, pas du tout importants. Pas tellement importants. Ah, vous dites pas tellement? Non, ben personnellement, non, parce que bon, mon travail est proche de chez moi. J'ai pas besoin d'utiliser ma voiture pour aller au travail, fait que je m'en sers à l'occasion. Donc, vous dites pas tellement important? Non, c'est pas si important que ça. Si je manque d'essence, je suis pas mort demain matin. Oui, mais quelle est votre réponse finale pour enregistrer? Pas tellement important. Dans quelle mesure croyez-vous être informé quant aux activités de l'industrie pétrolière et gazière? Croyez-vous être très informé, passablement informé, pas tellement informé ou pas du tout informé? Pas du tout informé. Bob Gratton informé. Si vous pouviez obtenir des renseignements d'une façon qui convient à votre style de vie, seriez-vous intéressé à obtenir plus de renseignements sur les activités de l'industrie pétrolière et gazière canadienne? Oui, bien sûr. Quel renseignement aimeriez-vous obtenir? Pourquoi que le prix varie tant que ça, puis pourquoi je paye si cher? Ah, les causes de la... Les causes de la fluctuation du prix comme ça? Future Shop, il fluctue pas comme ça, là. Non. Il y a juste le prix d'essence qui change comme ça, puis qui monte, puis qui descend. Même le prix du lait change pas comme ça. Ben, la durée des sondages fluctue aussi. Y a-t-il une autre raison autre que la fluctuation des prix? Non, c'est pas mal la seule chose. Comment aimeriez-vous recevoir les renseignements sur les activités de l'industrie pétrolière et gazière canadienne? Quel serait pour vous le meilleur moyen de recevoir ces renseignements? Avec des sondages. Oui, pour savoir si la population est satisfaite ou non de ce qui se passe. On parle franchement, quel serait pour vous le meilleur moyen de recevoir ces renseignements? Sondage, mais par la poste. Par email. Par texte. Oui, email. Email, c'est bon. Est-ce que vous avez email dans votre liste? Donc, des courriels? Vous voulez dire courriel? Courriel, c'est oui. Bien. Message texte. Y a-t-il d'autres moyens? Vous voulez songer oui. D'autres moyens? Quel? Répondeur. Pigeon voyageur. Mais là, ça existe plus, ça. Ça existe plus. Mais ben, répondeur, si vous pouvez laisser un message. Un télégramme. C'est ça, quelque chose d'annoncé public, mais qui passe pas vraiment par les médias, parce que les médias sont pas vraiment ce qu'il y a de plus trustable. Moi, je dirais courriel, répondeur. Ou une ligne d'information, tu sais, un numéro 1-800. Ah, vous avez donné les médias, n'est-ce pas? Médias, les médias, toutes sauf les médias. C'est ça, courriel, répondeur, les lignes, sondage. Les lignes d'information, une ligne étoile à partir d'un téléphone cellulaire, je sais pas moi, étoile gaz, puis tu peux avoir l'information, tu sais. Donc, vous avez donné courriel en premier lieu. Oui. Quel autre moyen vient en deuxième lieu? Répondeur, vous pouvez laisser un message. Vous voulez donner message? Message. Marquez message. Par des messages publics postés à la maison? Répondeur. Mais marquez message, je pense que ça va passer. C'est des messages qui sont clairs. Pas parcourir avec terminer, clair, parce que j'aimerais vous poser quelques questions pour nos calculs statistiques. Quel est votre code postal? G2LOQ. Non, c'est pas vrai. G1Q. 1Q9. Ben non, c'est pas ça. Non, c'est G1Q. Vous avez G1Q. Oui. J1Q après. A-J-T. Non, il faut avoir un chiffre après. Oh, attendez, J. Regardons sur ton compte de hydro-lycée, lui, ton code postal. J1Q. Oui. Quelle est la suite? J1Q. A-1Q. Non, c'est pas un Q, c'est un O. Non, mais regarde, c'est parce qu'on a changé la semaine passée. J1Q. Oui. 1Q. Complété. 1Q9. 1Q9. Voilà. J1Q9. Voilà. Quelle est l'année de votre naissance? En 1972. Quel est le niveau de scolarité le plus élevé que vous avez terminé? École primaire ou... Oui, le premier choix. École primaire, une partie des études secondaires, diplôme d'études secondaires, ouais. École technique, une partie des études universitaires, diplôme d'études collégiales, diplôme d'études universitaires ou bien diplôme de deuxième, bon, troisième. Bon, c'est beaucoup trop. Primaire non complétée. S'il vous plaît, ne rigolez pas. Ben, j'ai pas complété le primaire. Donc, quel est votre, s'il vous plaît, donnez-moi. Primaire, marqué primaire, je pense que c'est le plus loin qu'on va se rendre ce soir. Vous voulez dire primaire? Ouais. J'ai pas fait le secondaire. On m'a refusé. L'école est secondaire. Quelle catégorie décrit le mieux votre état matrimonial, célibataire, marié, union de fait, divorcé, veuf ou séparé? Agent libre sans restriction. Comment? Agent libre sans restriction. C'est célibataire, Dan. Célibataire, pardon. Et combien de personnes, y compris vous-même, vivent dans votre foyer? 5. 5? 5. Combien de 5 personnes sont âgées de moins de 18 ans? Aucun. Aucun. Quelle catégorie décrit le mieux le revenu annuel total avant impôt de tous les membres de votre foyer? Oh, les 5? Les 5 ensemble? Moins de 20 000 $, de 20 000 à 40, de 40 à 60, de 60 à 80, de 80 à 100. 200 à 120 ou 220 et plus. Tu veux les 5 ensemble ou séparés? Ben, c'est le revenu de toutes. De tous les membres, okay, de votre foyer. Ensemble? 120 et plus. Oui. Combien vous donnez? 120 et plus. 100, on peut pas donner un chiffre là-dessus, mais c'est plus que 120, c'est sûr. Donc, c'est 120 et plus? Oui, oui, oui, oui. C'est entre 120 et 122. Ce sont toutes mes questions. Je vous remercie sincèrement de m'avoir consacré votre temps. Notre sondage est maintenant terminé. En mon nom et au nom de la compagnie, je vous remercie d'avoir pris part au sondage. Je vous souhaite une très bonne soirée. Pardon, monsieur, est-ce que c'était enregistré, ça? Enregistré? Ouais, oui, pour le sondage. Enregistré de... Est-ce que vous enregistrez les appels chez vous? De la compagnie. Ouais. Oui, quand vous appelez pour faire des sondages, les appels doivent être enregistrés. Oui, je crois, oui. OK, okay, c'est beau. C'est tout ce qu'on voulait savoir. Vous n'avez pas répondu à ma question. Au revoir. Bonne soirée, Anthony. Au revoir. La question... Cristobal Huet? Oui. Très bon, moyennement bon, passablement bon, très mauvais. On l'a perdu. Fudge. Oh, il s'est égaré. Il c'est-tu rouge? Non. Ah. Non, mais non, il a raccroché, par exemple. Anthony? Ah. Bon. Ah. Hey, ça a pris... Aïe, aïe, man! Ça a pris 40 minutes! Aïe, aïe! Lui vient de faire sa soirée. Totalement imprévu, mais c'est de l'or, ça, c'est tabarnak de Chris. Mais si... Hey, man, le MSN, ça se fait aller, tout le monde pisse dans le culotte. Ah, je veux voir ça. Trop hot, trop hot. Si lui, il enregistrait pas, nous autres, on enregistrait. Mais... Ah, ben ça fait du bien. Ah si, oublie hey, ça. Là, man. Pat, on va refaire un autre bloc pour ton sport, parce que là, regarde... Oui, écoute, hey, il est rendu 10 heures, oui. On n'a même pas changé la question de la semaine. Bon, ben, merci. J'ai rien d'autre à dire. Okay. Le reste... à part que j'ai good deux... Good job, les boys! Ouais! Yes! Un fan! C'était solide. Aïe, aïe! Les joies du direct, man. Aïe, aïe, man. Ça, c'est juste... de la radio sans filet. Tu réponds à Steve, on répond à un sondage. Je prends juste 30 secondes ouais, pour vas-y. Dire que mon équipe, les Stars de Montréal, en oui. fin de semaine, on est en demi-finale. Ça joue demain soir à 19h30. Soyez-y, mesdames, messieurs. Il y a beaucoup de publicité, ça va être fou. On joue contre Mississauga. Il y a, des médaillés d'or. Il y a une douzaine de filles dans les deux équipes respectivement qui sont médaillées d'or aux derniers Olympiques. Dimanche, le deuxième match à 1h30, 13h30 au Sportplex à Pierrefonds. C'est moi qui est derrière le banc les deux matchs. Oh yeah! J'ai rencontré Pat de Bat. Si vous voulez venir voir ça. Allez voir le head coach. C'est seulement 7$ l'entrée. Fait c'est des petits ben écoutez, ça vaut dans mes poches direct. Donc, soyez généreux. Venez en grand nombre. Et en fin de semaine aussi, samedi dimanche, c'est le tournoi 4 contre 4 Bud Light à Québec. Ben là, si vous avez le choix, non, à Québec, choix allez là. Oui, c'est ça. C'était à Québec, ouais. Tu vas avoir 4 contre 4. C'est à Montréal, tu vas avoir Pat de Bat. Et voilà. Donc, on répète les heures. 19h30, Maurice Richard, demain. Juste à côté du Stade Olympique. Demain, 19h30. Puis, 13h30, au Sportplex de Pierrefonds. C'est un aréna 4 glaces. Là, on c'est les finales, la glace demi-finale. Numéro 3. Demi-finale. Si on gagne, on s'en va au championnat canadien une semaine à l'île du Prince-Édouard. Toutes dépenses payées. Toutes dépenses payées. Wow. Et en revenant, ben, c'est la finale de notre ligue à Brampton. Puis on vous souhaite, ben, bonne chance, les girls. Et voilà. Et Kim Saint-Pierre vous attend, les gars, hein. Oh! Ouais, j'ai dit que peut-être qu'elle avait une entrevue avec Monsieur Dan demain. Oh, ben là, regarde, si j'ai pas de musique à faire, j'ai le temps de préparer de quoi. Bon, ben, prépare parce ben que là, il a fallu que mon ami Guillaume amène l'enregistreuse, là. Ben, ça, on s'organise. Ah, il l'a amené, excellent. Bon, ben, on est en business. Elle était pas supposée venir en studio, Kim? Elle est supposée, oui. On va attendre que la saison finisse parce qu'elle est très occupée. Okay, un n'empêche pas l'autre. C'est voilà. Ça. Fait que moi, ça fait le tour, gang. Excellent, ça. Hey, les gens en tour. Guillaume est arrivé. Salut, Guillaume. Ah ouais, mais c'est un gars est arrivé. Salut, tout le monde. Damn, il est le meilleur, man. Botrax nous a fait des bons petits drinks tantôt. Ah, on va s'en refaire un autre. Botrax, j'ai amené le fort pour que Monsieur M fasse les drinks. Ouais, c'est pas mal. C'est ça. Mais en tout cas, t'as marqué de quoi de bon, c'est du rhum? Ouais, du rhum des Philippines. 12 ans. On a ouvert du Tanduay, d'une compagnie des Philippines qui fait du rhum. Puis là, j'ai une bouteille datée de 12 ans. 12 ans. Qu'on a ouvert, qu'on s'est fait des drinks avec. Ouais, ouais, elle est pleine de poussière pis tout, là, ça fait 12 ans qu'elle traîne. C'est le trafic dans ce coin-ci. Ah ouais, c'est le bordel. Écoute, on s'en va en musique. Oh, ben, à la tienne. Ouais, à la tienne. Hey, hey, bon. Hey, drink to that. On a un autre. Oh, ouais, ça coule à flot. Une petite toune pour Pat. Ah oui, donc. Avec oh, une petite reprise de... Je pense que c'est Depeche Mode, ça, qui me faisait ça. C'est une reprise de Marilyn Manson. Ouais. Avec Personal Jesus. Yes, juste pour moi. Bon, attention tout le monde. À tout. Mon nouveau show, vous allez rire. Vous allez être ému aussi. Et je pense que vous allez être surpris. Mais d'abord et avant tout, vous allez rire. Bonne semaine, la radio anti-spin, tous les dimanches à 20h. Avant, j'étais une fumeuse invétérée. Je mangeais des boches de cigarettes, je fumais par tous les orifices. J'étais pas capable de m'en passer. J'avais besoin de ma grosse cigoune à toutes les 4 minutes. Mais maintenant, c'est différent. J'ai tenté un nouveau produit. Nicolette! Oh, c'est bon! Des patchs, des gommes, tu colles ça partout. Ça colle, ça décolle, on a du fun. Mais on boit encore beaucoup d'alcool. Ça marche pas, colisse! Achetez des pareils, ça goûte tellement bon. Ça goûte les boches de cigarettes, mais ça se digère mieux. Nicolette, c'est ma sorte, bout de Chris. Come and knock on our door. We've been waiting for you. Where the kisses are, hers and hers and his, three's company too. Come and dance on our floor. Take a step that is new. We've a lovable space that needs your face. Three's company too. You'll see that life is for you. Down at our rendezvous, Three's company. En direct de nulle part, comme son nom l'indique, ben c'est ton direct de nulle part. Avec trois gars qui nous reçoivent dans leur intimité. En direct de nulle part. Avec votre hôte, Mr. M. Monsieur Gunn. Et vos deux co-animateurs. Mr. A. Monsieur Arsenault. Mr. T. Monsieur de Page. En direct de nulle part. On sait pas où ce qu'on est, mais Moses qu'on sait ce qu'on s'en va. La semaine passée, PR vous a demandé si ça vous faisait rire l'interruption de la conférence de presse par Super Cochon. À 100%, vous avez répondu non! Et cette semaine, on se fie sur le devoir. On vous demande, êtes-vous un turbo whatever? Parce qu'ils ont inventé le terme turbo consommateur. Fait qu'êtes-vous un turbo whatever? www.eddnp.com. C'est là que tu vas voter. Puis la semaine prochaine, ben, on s'en reparle. Hey, votre sondage, j'ai coupé, je suis voté, mais j'ai voté oui. Trop tard, man, la question était fermée. Et de retour en direct de nulle part. Hey, c'est la troisième heure, man. Ça passe vite en salle cette semaine. Hey, mais avec un plouc qui nous bourre ça ben comme faut de questions sondages. C'est ça. Hey, 40 minutes intensif. Ben, hey, mais il était courageux, pareil. On devrait peut-être lui donner une bonne main d'applaudissement. Ouais, ouais, c'est bon. C'est quoi son nom déjà? Antonio. Antonio. Antonio, bravo Antonio, tu mérites. De Montréal dans une mosquée. Je me demande à combien de personnes qui donnent les réponses comme on a donné. Hey, le gars, je sais pas, mais pareil, vous venez de fucker le sondage, pas de vrai. En tout cas, l'industrie pétrolière a pas eu notre coup de pouce. Ben, il y en a eu un, mais dans le cul pas mal. Qu'est-ce qu'on a... Un coup de pied profond en arrêt. On a fucké son ratio d'efficacité là, parce que au lieu de passer trois clients, il en a fait rien qu'un puis un qui vaut rien. Non, ouais. Il y en a fait quatre, d'une ouais, shot. Tu valais rien. Faut faire attention dans quelle compagnie tu fais, t'es engagé, parce qu'il y en a qui te crissent dehors si t'atteins pas un certain quota par heure, genre une affaire dans la même. Oh, j'espère qu'on va. Entre autres, Tech Support chez TELUS. Ah oui? Ouais. Les Canadiens viennent de gagner 6 à 2, 4 buts pour Plekanex. Yes! Ah, hein, c'est le taux du chapeau avancé. Oui, monsieur. Hey, c'est bon, ça, pareil. Hey, on mange des chips pour digérer le rhum qui nous ouais. a été offert tantôt. Exactement. On vous rappelle que, hey, avec tout ça, on vous rappelle que, un, c'est en direct de nulle part. Ah ouais. Pis Botrac, du podcast with cheese. Ouais. Maintenant, officiellement, Mr. B. Mr. B. est avec nous en studio. In the house. Pis c'est ma dernière émission en direct à partir de la Flaube. Arrête ça, man. Il y a des toutes sortes d'histoires, là, ça n'a pas de bon sens. T'en veux-tu des rumeurs? On va en partir des rumeurs. T'en veux-tu, c'est la saison des rumeurs? Ah, c'est des rumeurs. On sait, ben, c'était comme Bob Gainey, si tu veux chier dans ton froc. Hey, man, on a, hey, avec tout ça là puis les plugs, ah ouais, on a même pas mal dit merci à nos équipes qui nous aident à réaliser ça. Radiosphère.ca qui nous diffuse, manquez pas le P en liberté le mardi à 20h30 en rediffusion sur XM 172 le jeudi à 22h. Vous avez Franco Radio, trois styles de radio, trois styles complètement différents. Bref, si tu trouves pas ce que tu as besoin là, tu trouveras jamais. Puis il y a quoi aussi? Ah oui, il y a XL Tracks en français. Ouais. Double B commence à 23h. Exact. Donc, ça vous tente d'écouter du nightlife, c'est la référence, xltracks.com. Ouais. Vous avez la porte qui sonne présentement, hein? Mr. M, donc vous devriez aller répondre. Vous avez aussi, ah ben il y a le Bum Semaine à tous les dimanches, alternative à Tout le monde en parle, mais qui est en rediffusion ce soir à 23h, tout de suite après, en direct de nulle part. Oui, monsieur. Et merci à Radio Solution qui permet de rediffuser l'émission de partout. De partout à travers le monde. Non, de nulle part à partout. Ouais, c'est ça, exactement. Nulle part. Donc, c'est une bizarre logique, ça. Ouais, hein. Ouais, hein? Ben, c'est ça, c'est on veut que mais le monde ça marche. Se pose des questions. Ça t'sais. Marche. Ça marche. Ah, on est rendu à quelle partie, là? Ouais, ben, là, je pense qu'on va faire un petit peu de politiquement AM, là, question de redevenir un peu plus sérieux, là. Alors, là, c'est, ah, c'est-tu, votre douce? C'est le lift, qui arrive. Pat de batte est sur le départ. Ah oui, ouais, oublie pas l'enregistreuse, ok. Ouais, ben, c'est marrant. On a dit, c'est à 1h, hein. De toute façon, au pire, on s'appelle dimanche. Toi, tu pars de chez moi à quelle heure? C'est de la région interne en crise. C'est beau. Ah, de toute façon, sergent. Alors, ben c'est ça. Je voulais faire une petite ronde de politique. Ben là, comme le budget est sorti, ça va prendre le dessus sur encore une fois sur le rapport Castonguay. Mais on l'a pas oublié, le rapport Castonguay. On va le vérifier tout ça là, un peu plus tard, peut-être la semaine. Oh, qu'est-ce que c'est? Ah, ok, parfait. On vient de recevoir... un matériel chaud. Je sais pas si toi tu disais t'étais parti aux États-Unis cette semaine, hein? T'es allé faire un tour de ce côté-là? Pas juste cette semaine. Ouais, c'est ça. Ça fait quasiment 2 mois que je suis là après Noël. Ah, ok, c'est ça. J'étais là quasiment 2 mois avant Noël puis 2 mois après Noël. Ça, c'est dans le cadre de ton travail qui est... Ouais, dans le cadre de mon travail. Ok, tu travailles. Je t'expliquerai c'est quoi après. Ok. Après le show. Ok, c'est bon, ça. Dans l'après-show, en fait. Dans l'après-show, ouais. Parce que nous autres, c'est jamais fini. Quand c'est pas parce qu'on ferme les micros qu'il se passe plus rien ici, bien au contraire. Non, mais sérieusement, mon budget, là, t'es cœurant. Ton budget était écœurant? Ah ouais, moi, mon budget, là, il était écœurant, man. Je rentre partout, je suis kiff, je fais même de l'argent. Tu le respectes? J'imagine, regarde, puis j'ai pas grand-chose, là. J'ai à peine 25 000 par année. Ouais. Puis j'ai un gars qui gosse après les pattes en dessous, là, ses pattes de batte. Ouais, Pat, il y a des drôles. Depuis qu'il est en top shape de même, là, il y a de sorte de... Nat, parce que là, Pat, je commence à me jouer après, là, tu sais. Surveillez ton homme, là. Fait que vire lesbienne tout de suite. Il est en journée bisextile. Bisexuel. bon, ben alors, ben c'est ça, mon Pate qui s'en va. Qui va être de retour peut-être la semaine prochaine. On sans faute. Sans faute. Puis, hey, Nat, on souhaite bonne chance à toutes les girls en fin de semaine. On va aller te voir dimanche, Nat. Ouais. On va aller voir ça. Ouais, bon, Guillaume qui a aller, je rapporte mon voyage à Québec, mais mon déménagement à Québec pour aller vous voir jouer en fin de semaine. C'est pas n'importe quoi. C'est pas n'importe quoi, là. Guillaume, il va-tu venir? Ouais, ça, c'est dimanche. Demi-finale, dimanche après-midi. Samedi pis dimanche. T'as le choix. Vous autres, y allez quand, dimanche? Dimanche, parce que demain, j'ai quelque chose. Ah. En tout cas, on va voir ça. On checkera bien ça. C'est une invitation à tout. Ben, salut, mon père. Ciao, Pat, merci d'être venu. Merci bien, hein. Ok, ciao. Alors, ouais, c'est ça. Fait que, pour revenir sur notre fameux budget, les points saillants, vous allez voir qu'on va vous faire ça short and sweet. 5 000 $ maintenant qu'on est capable de mettre de côté dans un nouveau fonds qui s'appelle le CELI, qui est un compte d'épargne libre d'impôts. Alors, qu'est-ce que ça? C'est comme un peu un fonds de REER ou un fonds de régime enregistré d'épargne études, mais qu'on peut extraire de l'argent comme on veut. On a droit à 5 000 $ par année, cumulatif jusqu'à concurrence de 10 ans, si je me trompe pas. Ça, c'est pour nous autres, les communés mortels, là? Oui, c'est pour n'importe qui. Okay. Sauf que le problème là-dedans, c'est que c'est bon de mettre de l'argent là-dedans une fois que tu as cotisé pleinement ton REER. Ce qui n'arrive pas dans une vie normale ou à peu près. C'est-à-dire que t'as mis environ 15 000 $ ou ça, 18 000 $ de REER. Ensuite de ça, tu pourrais mettre tu peux le faire avant si tu veux, mais c'est tout le temps mieux de le mettre derrière. Avant. Parce que derrière aussi, t'as une déduction d'impôt. Ce qui est pas le cas avec ça, c'est juste que ton argent est protégé de l'impôt. Tu mets de l'argent, t'as jusqu'à 5 000 $ que t'as le droit de mettre là-dedans, que tu peux piger dedans comme tu veux. Puis si tu fais des revenus d'intérêt ou des revenus de placement avec cet argent-là, ce n'est pas non plus déductible d'impôt. Tu peux, t'as pas à payer d'impôt là-dessus. Ok. C'est pas imposable. Ok. Je prends 5 000 $, je le mets dans le compte. Oui. Je prends 5 000 $. Oui. J'achète pour 5 000 $ d'action. Oui. Je prends les profits. Tu le mets dans le compte. Je prends les profits de mes actions, je les sac dans le compte. C'est ça. Dans le fond, les profits représentent le 5000$, mais le 5000$, j'ai pas pris celui qui était dans mon compte, j'ai pris celui qui était dans mes poches. Fait que le profit qui est là-dedans, le gain en capital que j'ai fait, devrait être imposé. Ben, ça dépend si tu, parce que tu t'enregistres ton régime qui est c'est un compte que t'ouvres, mettons, chez Disnat. Oui. Qui va être, réservé à ça. 5 000$, mettons, tu mets 4 000, et puis à 10%, ben là, tu vas avoir un 400$ de plus à la fin de l'année. Tu vas te ramasser avec 4 400$ à la fin de l'année. Ben, l'impôt sera pas, chargé sur ce montant-là, ni sur ton 4 000, ni sur l'intérêt que tu vas avoir fait sur le 4 000. Okay. Oui, mais faut que tu prouves que ton argent vient bel et bien, puis que ton gain vient de cet argent-là. C'est comme un REER, c'est enregistré. Fait que, tu sais, quand tu fais ton REER, eux, ils t'émettent un espèce de, pas un certificat, mais un reçu qui dit que t'as reçu cette année pour, mettons, 12 000$, de profit, ben, ça reste dans le REER. Fait que dans le fond, c'est comme un autre type de REER. C'est un REER, sauf que la grosse différence entre le REER, c'est que toi, quand tu mets de l'argent dans ton REER, tu le déduis, ce montant-là, de l'impôt. Ça veut dire, si tu fais, mettons, une année de 30 000$, tu mets 5 000$ dans tes REER, c'est comme si tu aurais fait 25 000$ cette année-là. À la place. Tandis que ça, c'est pas tout à fait la même chose, parce que c'est juste les profits que tu vas engendrer avec ça, qui, eux autres, vont être à l'abri de l'impôt. OK, fait que si, mettons, début de l'année, tu mets 4 000 là-dedans, ouais, puis à la fin de l'année, tu retires 4 000, mm-hmm, ton 4 000 que tu retires, es-tu imposable? Non, tu as le droit à 5 000. Si tu as mis 6 000, ben là, si tu retires 6 000, ben là, tu vas faire imposer à 1 000$. Le 1 000$ de plus va être imposé. Ah, c'est pas super, ça. Ce qui est bon, c'est que tu peux le faire au fil des années, puis si tu es capable de le faire, le maintenir pendant 5 ans, par exemple, tu peux te mettre 25 000$ à l'abri de l'impôt. Ça peut être bon pour une personne qui veut acheter sa première maison, par exemple. Oui. Ça, tu peux le mettre de côté. Une fois que tu vas vouloir sortir cet argent-là, ça va être pour mettre sur un cash down sur une maison. Ben, à ce moment-là, ça va être de l'argent que tu vas avoir comme épargné, et puis tu n'auras pas eu à payer de l'impôt là-dessus. On évalue, je pense, que le coût de cette mesure-là pour le gouvernement, c'est pas très cher. C'est une affaire comme 50 à 70 millions. Okay. Pour eux autres, c'est pas une grosse différence. Moi, j'ai une question. Oui? Bon, je place l'argent, etc. Je me rends jusqu'à 25 000. Et là, on voit Lucien Bouté rentrer avec sa ceinture dans le Centre Bell. Non, c'est Donald Ouimet. OK. Il semblait aussi qu'il ressemblait pas à ça, mais bon. TKO Lightweight Champion. Mais c'est ça. Je fais, mettons, je me rends à 25 000. Ouais. OK. Je retire mon 25 000 non imposé. Ouais. Je me jette un char de 23 000. Pas de problème. J'ai un gain en capital de 23 000. Oui. J'ai un objet de 23 000 de plus dans ma collection. Est-ce que le 23 000 de la voiture va être imposé? Non. Non. Non, parce que tu as le droit de faire ce que tu veux avec cet argent-là. Que ça soit pour une maison, pour tes besoins personnels, partir en voyage, c'est de l'argent qui est protégé. Fait qu'une fois que t'as pris une pièce, que t'as mis une pièce là-dedans, cette pièce-là est protégée tant et si longtemps que t'en sors pas et que tu la remets pas ailleurs. Ouais, pis t'as pas le droit non plus aussi de sortir pis de rentrer, tu sais, une fois, c'est par année. Fait qu'autrement dit, si au début de l'année tu mets 5 000, t'as retiré 5 000, là tu remets 2 000, tu sais, c'est pas cumulatif. Ça va être capé à 5 000. Okay. Après ça. Fait que c'est à long terme que ça peut être bon. C'est justement si t'as une espèce de discipline, t'es capable de mettre de l'argent de côté à toutes les années, puis à un moment donné, tu t'en sers pour faire un achat majeur. Ben là, au lieu de, justement, tu trouves un compte d'action, puis là, à chaque fois que tu fais des bénéfices sur tes actions, faut que tu imposes à 50%. Ben, ça ben 50%, bon. C'est 24.1, là. C'est 50%. Okay, mais ça me pose une question, ça. Oui. À quelle fréquence tu peux mettre de l'argent puis retirer? Whatever. Ça, comme tu veux, c'est une base annuelle qui compte le total. Fait que tu peux faire comme tu veux tes calculs en autant que tu dépasses pas le 5 000 dans l'année. Fait que si mettons que je veux hacker le système. Ouais. Puis je me dis que à chaque, parce que dans le fond je me dis là, ok, si ça marche comme tu me dis, mettons je pourrais faire plusieurs transactions par mois, mettre de l'argent, puis sortir de l'argent, puis dans le fond je pourrais funneler tout ce que je fais là-dedans puis le ressortir, puis je suis pas imposé. Ben, c'est ça ma question. À quelle fréquence qu'on peut mettre de l'argent puis retirer? Ben, comme je te dis, à ce moment-là, il y a sûrement quelque chose pour nous caper quelque part. Ils font les plus et les contre. Autrement dit, ils prennent, mettons, si tu mets 5 000 puis tu retires 4 000. Ouais. Ben là, ça va te faire 1 000$ que t'as comme encore de sauvegarder. Ben, c'est sûr que tu pourras pas déposer, mettons, 10 000 puis retirer, mettons, des tranches de 2 000, par exemple, puis là, tu te dis, ben, c'est pas plus que 5 000, tu sais. C'est parce qu'à partir de 5 000, dans ton compte, une fois que t'as atteint, mettons, je sais pas, ça fait un an que t'as ton compte, ok, c'est ta première année. Ouais. Tu déposes 5 000, t'es safe. Tu déposes 5 001, ta pièce va être imposée, mais tes 5 000 premières pièces ne le seront pas. Là, tu prends 3 000, tu le mets dedans, t'en retires 2 000, tu rajoutes 4 000, tu reprends 1 000$, tu rajoutes 2 000, tu retires 5 000, tu remets 3 000. C'est le net qui compte. T'as jamais dépassé 5 000. C'est OK, ça. Mais c'est ça, c'est 5000 à la fois que je peux pas mettre plus dedans. Par non, année. Dans le compte par année. Ça veut dire qu'à ta deuxième année, tu pourras pas dépasser 10 000. À ta troisième, tu pourras pas dépasser 15 000. C'est ça, c'est cumulatif. Au total. Jusqu'à temps qu'ils abolissent tout le régime. OK, fait que, si mettons un mois, je mets 1000 piastres, puis le mois prochain, je l'enlève les 1000 piastres, ben, je pourrai pas faire ça plus que 5 fois. Exact. Ah, voilà. Il y a là le cap, OK. Parce qu'eux vont le compter dans ton rapport d'impôt. Je sais pas comment ils vont mettre la mesure. Ça va être un autre formulaire T32 A26. OK, fait que ma deuxième question, ça serait, pourquoi qu'on a des caps pour fourrer le peuple de même? Ça, c'est une question existentielle, je pense. Ça, c'est aussi pertinent comme question de pourquoi que les baleines sont en extinction? Ouais, ça aussi. Tabarnak! C'est parce qu'il n'y a pas vraiment de réponse, man. Il y a juste une réponse. C'est Norvégien. C'est ça. Ça, c'est la graisse de baleine. Les Japonais. Non, les Japonais, c'est les requins. Ouais, c'est vrai, il y avait ça, les autres. Les chats. Cette année, le surplus fédéral se chiffrait pour 2007 à 12,9 milliards, ce qui est quand même pas mal. C'est un beau chiffre. Millions ou milliards? Milliards. Ah, c'est pas là-dessus, 10,2 vont être transférés à la dette, au service de la dette, c'est-à-dire qu'on essaye de clairer notre dette. Puis ça, il y a beaucoup de monde qui ont critiqué le gouvernement Harper, qui fait peur, parce qu'on dit, ouais, ben là, on prévoit des années avec des ralentissements économiques pour l'année prochaine, puis d'ici deux ans, à cause justement... Il a encore payé de la dette? Ben, en fait, c'est ça. Hey, Chris, ça fait trois budgets qui payent de la dette, lui, là. Ben, c'est ça, mais il dit que, par exemple, ça porte fruit, parce que en 2009, tous les paiements de dette qu'on a fait depuis l'arrivée des conservateurs ramènent 2 milliards d'intérêts qu'on paye plus. Qu'on ramène dans le budget. Fait qu'autrement dit, parce que ça, je vais vous donner un petit truc d'économie très simple, au lieu de... Fait que des intérêts qu'on planifie plus de payer. Puis qu'on sert, ben, les revenus, qu'on, c'est qu'on ça. Qu'on met pas de côté, qu'on utilise ailleurs. On va utiliser cet argent-là ailleurs, parce que justement, quand on paye des intérêts, c'est ça le petit truc de même, là. Si vous voulez faire de l'argent, mettons, vous voulez faire des placements payants, au lieu d'investir, mettons, 2 000 $ dans un fonds qui vous rapporte 5%, pensez à payer vos dettes et vos cartes de crédit qui vous coûtent 20%. Vous allez voir que c'est pas mal plus payant à la fin de l'année, parce que ça donne rien d'avoir plein de dettes puis de faire plein d'investissements quand t'as plein de dettes qui te coûtent le double de tes investissements te rapportent. C'est ça. Fait que le problème du gouvernement puis de tous les gouvernements, c'est souvent ça. C'est sûr qu'un gouvernement endetté, c'est impossible, sauf que ça prend un équilibre. Le Canada, depuis les 20-25 dernières années, on est parti en chire, là. Mettons, depuis le début des années 80, ça c'est comme c'est parti en sucette, comme Trudeau. Trudeau depuis a aidé Trudeau, beaucoup. Trudeau, c'est ça, ouais, ben, ou l'autre d'avant, Duplessis, non? Ben non, Trudeau, c'est lui qui a vraiment... C'est Trudeau qui a commencé vraiment à... Ouais. Et puis, ben là, tu vois, c'est ça, en 2009, on va avoir 2 milliards. On pense que les conservateurs, eux, espèrent continuer de rembourser la dette encore pour les 4-5 prochaines années. On veut donner jusqu'à 50 milliards en tout et partout, une fois que tous les paiements vont être faits. Pendant jusqu'en 2011, ça va représenter environ 50 milliards sur une dette totale qui était autour de 600 milliards. C'est pas pire quand même. C'est pas pire quand même qu'en quelques années, on a pu baisser ça comme ça, parce que faut le dire que l'économie canadienne, ça allait bien, là. Ça ira pas peut-être tout le temps bien comme ça. Fait que lui, il en a profité des bonnes années pour baisser un peu la dette, mais c'est sûr que dans les prochaines années, si on commence à se réendetter, ben on va avoir tout fait ça pour rien. Okay, ben, à c'est sûr que dans les prochaines années, là, on va ralentir un peu, parce que là, on suit quand même les States. Les States. Puis ça fait 3 ans, moi, je savais que ça allait crasher, là, puis ça va crasher bientôt, là, puis qu'on le voit, là. On voit que ça commence un peu. T'sais, on a atteint, au niveau du dollar canadien, on a atteint le dollar américain. Ouais. On l'a dépassé, on est intervenu un peu parce que ils ont injecté beaucoup de millions dans l'économie américaine, comme un last-ditch effort, si on c'est peut ça, dire. Là. Exactement. Puis là, temporairement, on a été en dessous d'eux autres, mais là, on en revient. Là. C'est ça. Sauf moi, ce que je me demande, c'est trouver un gouvernement au Canada qui a déjà fait ça. Ouais. Ce que Harper a fait là, depuis qu'il est là. Ben ouais, je dis dans le gouvernement, mettons dans l'économie canadienne moderne, là, mettons, je pense que ça s'est pas vu depuis très longtemps là, d'avoir. Parce qu'il faut pas oublier non plus qu'avant les années 70, les gouvernements faisaient à peu près pas de dette. Là. C'est assez relativement récent là, qu'on s'endette. Ben depuis Trudeau. Ouais, c'est ça. C'est parti. C'est lui qui a monté la grosse dette. C'est-tu lui ou c'est Bourassa? Ben au fédéral, c'est les deux. Ah, moi j'ai une question que j'aimerais ça. Ben je connais la réponse à la question. Mais la question c'est à qui on doit la dette? Ah, à qui? Je sais que c'est beaucoup d'intérêts différents. Je sais que les Chinois, semblerait-il qu'au Canada, on en a quand c'est même pas l'ONU ou une organisation comme à ça? Vincent Lacroix. J'espère que non. Parce que... Et voilà la réponse. Ça serait bien le bout du bout. Hey, Christ. Nerf. Je sais pas c'est qui le principal créancier, par exemple. Je sais qu'on ben, en fait, c'est la Banque du Canada, je pense. Un des plus gros créanciers, c'est que... On emprunte de l'argent, le gouvernement emprunte de l'argent à la Banque du Canada qui qui en fait la Banque du Canada a aucun rapport avec le gouvernement. Ouais, c'est une entité privée. C'est indépendant, ouais. Qui est possédée par des ministres? Non! Des pays étrangers, man. Ah, okay. C'est bon, ça. Donc, on a une banque canadienne. Banque canadienne qui nous appartient même pas, qu'on a prêté de l'argent. Puis qu'on doit de l'argent aux autres, entre autres. Ah, c'est bon, ça. Mais sauf que c'est ça, c'est que je sais pas si ces organismes-là peuvent exiger du jour au lendemain d'être payés, comme un banquier peut le faire quand t'as une maison puis qu'il est tanné. Ben, c'est un peu ça qui est arrivé dans le crash de 1929. OK, ouais. C'est la que... oui, c'est ça. C'est que ceux, les banques qui ont prêté de l'argent, ils ont réclamé tout, l'argent qui leur était dû. Ouais. Et là, ça, il y a eu des transferts de compagnies, genre à une pièce ou je sais pas trop quoi, des affaires, des montants ridicules, où ce que les Rothschild, ils ont tout acheté, puis ils ont rebâti leur fortune parce que les autres, ils ont tout, ils savaient que ça se passait parce qu'ils l'ont engineeré, si on veut, tu sais. Ouais, ils ont tout. Fait que ils ont fait des transferts, puis après ça, ils ont racheté des affaires pas chères après le crash, puis faut pas se surprendre si quelque chose de semblable qui se passe, spécialement aux States. Puis qu'on voit, entre autres, les créanciers qui réclament l'argent dû pour les maisons. Comme si tu regardes aux States, là, t'as bien du monde qui laisse une maison parce qu'ils n'ont plus qu'à payer parce que les intérêts montent. Parce que les créanciers, ils réclament l'argent des banques. Et puis là, le problème, c'est que t'as beaucoup de maisons qui sont sur le marché, qui vont faire baisser un peu la valeur des autres maisons. Ça aidera pas à relancer l'économie parce que là, évidemment, on prêtera plus non plus à n'importe qui. Il y a beaucoup d'argent qui a été prêté sans vraiment avoir de garantie solide. C'est ça. Mais regarde, on peut s'ouvrir un nouveau studio à Détroit pour pas cher. Ah ouais, tu penses? Pour genre 45 piastres par mois. Je m'en souviens plus, c'était quoi une affaire ridicule là, pour acheter une maison. Là. On va tous s'en aller à Détroit. En plus, ils ont un bon club. Les Red Wings, c'est la ville du rock, ça. C'est bon, tu sais. Tellement un bon club que Huette les a blanchis 4-0 à soir. Non, c'était contre c'était les Devils à soir. Ah oui, c'était contre le New Jersey. Hey, ça veut dire que c'est Martin Brodeur qui était devant Huette, c'est quand même bon. Ouais. Hey, blanchissage. Salut Cristobal, si on est avec toi. Ouais. Parle pour toi. Ben, moi, je suis avec toi. D'autres petites statistiques sur le budget. On a décidé de consacrer 250 millions dans l'innovation de l'industrie automobile. Celle-là, je la comprends pas parce que me semble que c'est pas un gros montant. Puis aussi, c'est une industrie qui est tellement dans la marde que je pense que ça fera pas grande différence. Même si c'est parce que l'industrie automobile est pas mal liée à l'industrie pétrolière. Aussi. Dont on a commenté sur le dernier sondage qu'on a eu ce soir. en long et en large, ouais. Mais moi, je pense que derrière ça, il y a surtout le vote de l'Ontario qu'on veut aller courtiser parce qu'on sait que les industries automobiles sont surtout concentrées dans la province de l'Ontario. Fait que, mais je sais pas. En tout cas, 250 millions, je trouve que c'est pas un gros chiffre. Je sais pas si ça va peser vraiment. Une des affaires que j'ai trouvé intéressante, c'est le transfert d'une partie de la taxe sur l'essence au municipalité. Ça avait été commencé d'une façon temporaire. Et puis là, ça va être de façon permanente. On va transférer des partie des taxes, il y en a tellement de toute façon, des taxes sur le pétrole, 2 milliards par an qui vont être versés à partir de 2009 à l'ensemble des villes les plus importantes pour, entre autres, réviser toute leur infrastructure. On sait que ça tombe de tout bord de côté. Ici, à Montréal, on a des troubles majeurs, entre autres, avec le réseau d'aqueduc. Et on perd de l'eau comme ça se peut pas, puis on se demandait un petit peu où qu'on va trouver de l'argent. Ben là, le gouvernement fédéral s'est avancé là-dedans, fait qu'on va avoir un petit coup de main de ce côté-là. Les villes étaient très contentes. Monsieur le maire Tremblay qu'on a ici jubilait totalement, mais en tout cas, il va falloir que cet argent-là soit bien dépensé aussi, parce que des fois, c'est ça le problème. Ben, par rapport au problème d'aqueduc, on a aussi le problème où ce que pour les eaux épuisées, traitements des eaux épuisées. Les eaux qui sont plus capables. Les eaux usées. Oh boy. Ouais. Là, ça, c'est le rhum de... C'est le rhum. C'est la 13e année qui vient de rentrer. Oh yeah. C'est ça, les eaux usées qui sont versées dans le fleuve quasiment non traitées, puis là, on se ramasse avec de la merde, littéralement, qui revient dans les cours d'eau, puis les puits où ce qu'on on va puiser les sources d'eau pour boire, tu sais, fait que c'est vraiment crap, là. Ouais. Littéralement. Ouais, c'est de la crap. Vis-à-vis de l'investissement pour l'industrie automobile, prenez-vous un film qui s'appelle Who Killed the Electric Car? C'est bon, ça. OK. Ce que je trouve assez très frappant et pertinent au début du film, en plein début du film, il explique que au début du siècle, il y avait bien des villes qui roulaient avec des chars électriques. Ouais. Puis que le monde se révoltait parce que tout le monde, tous les chars étaient transformés en chars à pétrole. Puis à ce moment-là, toutes les villes devenaient polluées. Parce qu'il n'y avait pas ça avant, parce qu'il y avait tous des chars électriques. Là, imaginez, là, ça fait un siècle là, qu'ils ont des chars électriques. Ça fait un siècle. Ils savent. Pis... Ça fait un siècle qu'on aurait dû avoir des développements importants technologiques au niveau des chars électriques. Imagine où ce qu'on serait rendu si on aurait tout passé le temps qu'on a passé sur le moteur à essence. Ben tabarnak, on aurait des chars qui volent. C'est comme qu'on avait, comme qu'on rêvait, c'est quand on était jeune. Chris. Je vais mettre le lien sur eddnp.com, pour le zencars.com. Ah, oui. Zencars? Oui monsieur, c'est une voiture. Non mais Zencars, c'est en tout cas je me souviens pas, il y a la signification là, c'est zéro quelque chose no noise. C'est une voiture 100% électrique, zéro emission no noise, c'est ça. Fabriqué à Saint-Jérôme, au Québec, vendu partout dans le monde, à part ici, parce qu'il n'est pas légal. Puis comme par hasard... Ah, ça me dit de quoi, ça? Ouais, ouais. Puis comme par hasard, le... Ouais, l'un ou l'autre, c'est... Ok, d'abord, comme par hasard, le gars qui a inventé la machine était assassiné la semaine dernière. Le docteur Emmett Brown. Non. Ok, ensuite de ça, qu'est-ce qu'on a d'autre? Des investissements? C'est pas surprenant. Ouais, hein? Ça se peut bien, mais franchement, là. C'est vraiment, c'est pas la première fois, là, que ça arriverait, là. Ouais, c'est ça qui est... Parce que le fameux moteur roux aussi d'Hydro-Québec est tombé, lettre morte, sans trop de raison. Ça, c'est une affaire qui décrisse, hein? Ouais. Tabarnak. Parce que le principe était fameux, mais on n'a pas voulu, en tout cas, je sais pas. Ça a été racheté, puis on a foiré ça. Ben, tu sais, Hydro-Québec, là, regarde Hydro-Québec avec les éoliennes, là, ils s'en calissent, là. Ouais, ben, c'est ça. C'est plein ça. Hey. Ah, en tout cas. Ensuite de ça, qu'est-ce qu'on avait d'autre? Le budget prévoit un investissement de 270 millions en 2 ans pour la santé. Encore là, je trouve que c'est très peu pour les besoins qu'on a. Je sais pas comment... Okay. C'est, en fait, c'est un budget... Effectivement, c'est très peu si on considère le manque d'infirmières et les docteurs qui fuient le pays pour aller travailler ailleurs. C'est tout le temps divisé en 10 provinces, ça, là. Puis c'est sur 2 ans. Non, en plus! On commence à trouver que c'est pas beaucoup. Là, 250 millions sur la recherche, sur la captation et le stockage du carbone. Bon. Qu'est-ce qu'on veut faire avec ça? On veut essayer... On va faire pousser des plantes. Ouais, mais c'est ça, tu sais. La meilleure machine, c'est encore les plantes. Fait que, tu sais, on veut faire des recherches. Je sais pas si on veut développer une espèce de filtre géant qu'on va mettre... Ben là, ils veulent pratiquer à faire pousser du pot pour le rendre légal puis faire des serres. On va faire du ultra weed. Ooh, yeah! 400 millions va être versé dans l'embauche de policiers dans plusieurs provinces et territoires. Bon, ça, c'est entre autres, ça va aider pour la lutte contre les gangs de rue qu'on dit, les crimes, les cybercrimes aussi qui deviennent de plus en plus importants. À travers le pays, ça? Ouais, ça aussi. C'est à travers les 10 provinces. C'est sur une année. Es-tu bien les gangs de rue en Alberta? Ça, je suis pas au courant. Ben, j'avoue que eux autres, ils pourraient peut-être le mettre peut-être sur les fermiers qui font pousser du weed à travers les champs de maïs, là, tu sais. Le système carcéral. Weed Protection Unit. 122 millions pour le système carcéral. Encore là, c'est des peanuts parce que c'est sur 2 ans. Fait que là, on veut-tu ouvrir des nouveaux... Ça complémente l'argent qu'on voulait mettre au Québec pour bâtir d'autres institutions carcérales. Probablement, c'est ça. Ça va rentrer dans le même programme. On dit qu'on prévoit une croissance économique pour le Canada de 1,7% cette année, 2,4% l'an prochain. Il faut prendre en note aussi, par exemple, que le gouvernement estime qu'on va augmenter nos dépenses de 3,4%. Donc, autrement dit, on est under, ça va mal. On prévoit que on va dépenser à un rythme plus rapide que notre croissance. Fait que, moi, je suis curieux de savoir c'est quels secteurs de l'économie qui vont nous faire grossir. Ben moi, je pense que l'industrie, entre autres en Alberta, du pétrole et d'énergie est en bonne shape. Je pense que généralement, c'est en croissance dernièrement. Je pense que ça va tirer pas mal l'économie. Même si les autres secteurs sont en baisse, je pense que c'est ça qui va compenser. Parce que les autres, on parle du secteur du bois beaucoup. Ça s'améliorera pas demain matin. Mais il y a d'autres ressources. Semblerait-il que les Chinois sont partis sur un buzz aussi d'acheter beaucoup de produits de... alimentaire. Là, entre autres nos céréales et tout ça, parce qu'eux autres sont un petit peu écœurés de manger du riz. On les de manger des gosses de chat aussi, là. Des gosses de chien, c'est bon. Fait qu'ils se lancent un petit peu dans l'achat de plein de ressources comme ça. Puis présentement, dans les prairies, les fermiers font de bonnes affaires. Mais ça va-tu durer longtemps? Parce que la mode des Chinois ces temps-ci aussi, c'est d'acheter beaucoup de choses, d'acheter leur propre terrain pour faire comme en Afrique, entre autres, où ils achètent à peu près tout ce qu'ils peuvent acheter, puis ils font leur propre culture là-bas. Rappelle-toi, il y a à peu près 3 semaines, j'en ai parlé, il y a 2 semaines, que justement, c'était que le Québec devrait ouvrir les champs pour pouvoir faire plus de production et aller vendre justement à la Chine, puis tous ces nouveaux pays, ces pays-là, l'Inde, qui ont créé une classe moyenne, mais que sont plus capables de répondre à leurs propres besoins. Exact. Fait que ça, c'est une mine d'or pour eux autres. Il va falloir, ça va prendre peut-être quelques investissements pour s'ajuster. Il va falloir se spécialiser dans certains créneaux parce que c'est sûr qu'il y a de la concurrence. On parle entre autres dans le port au Québec. On sait que ça a été difficile dans les dernières années. Ben, surtout avec les maladies pis tout. Non? C'est ça. Faut se spécialiser, aller chercher des sortes de porcs qui sont plus prisés par ces gens-là, qui ont des goûts particuliers parfois. Mais la possibilité est là, l'opportunité d'affaires est là, puis il va falloir en profiter dans les années à venir, sinon on va ronger nos bas, je pense. Moi, j'espère juste qu'il n'y aura pas une tendance où ce qu'on va vendre plus à l'extérieur, plus que souvenirs à nos propres besoins. Ouais, là, ça serait dangereux, là. Ben là, j'espère que le gouvernement est pas assez con pour laisser faire ça, là. Ouais. Ben, je pense pas que c'est nécessairement le gouvernement ou ben, c'est lui qui gère l'entrée. Ceux qui veulent vendre au plus cher, tu sais. Exact. C'est le libre marché. Au celui qui donne le plus. Exact. Fait que si le Chinois y arrive puis il donne le double de qu'est-ce que tout le monde veut te payer au Canada, ben, le cultivateur, il est pas calme. Ouais, mais le cultivateur n'a pas le droit de vendre plus que tant de pourcentage de sa production initiale, anyway. Puis je pense qu'il n'a pas le droit de vendre plus que, comme 60% de sa production pour justement que, un, il fournisse sa place, ensuite son pays et après le restant du monde. Ça aurait de l'allure, ça. Peut-être, ouais. Ben, il me semble que c'est de même que ça fonctionne parce que c'est ça qui arrive avec les producteurs de lait. Ils ont des quotas minimum à atteindre et maximum. Le lait, c'est différent, là. Ouais, mais c'est ça. Non, mais si tu compares ça, ça revient au même. Faut qu'ils atteignent un certain quota, puis rendu là, ben, si tu le dépasses, c'est, regarde, on peut pas rien faire pour toi. Tu sais, gère ta bébelle en fonction de. La vache, là, a produit pas mal plus de lait. Ouais, mais sauf que l'excès d'excédent, là, que. Non, mais au lieu de le jeter, là, il devrait, parce qu'ils l'ont. Ils devraient le vendre justement au pays à l'extérieur comme l'Inde qui en ont besoin du calice de lait puis nous autres on en a trop exporter du lait. Les autres ils peuvent pas toucher tout ce qui vient de la vache sacrée. Ben, tu peux geler. ça peut se faire, man. Hey, lait carnation puis le lait en poudre pas ouais. Donc tu peux déshydrater ça. Bon. Ça me fait penser une histoire aux States d'un producteur de lait qui lui il produisait du lait qui vendait seulement au monde qui voulait prendre des bains de lait. Ah, pas pour ouais. consommation, boire, manger. Okay, là. Ouais. Puis c'était fait taper dessus par la FDA parce que il y avait pas de licence pour le vendre. Ah ouais, ben mais tu sais c'était comme tu sais maintenant il y a des crises de limite là, tu sais. C'est ça, tu sais. Puis de la même façon, tu sais comme le bon Mentolo, il expliquait que son chum qui voulait acheter la ferme de ses parents là ça, avec les quotas de lait là, de plus en plus on va avoir moins d'individus ou de propriétés privées fermières et on va se retrouver avec plusieurs corporations qui vont posséder toutes les terres. Fermières qui vont, c'est toutes les corporations qui vont faire les profits directement envers les exports et les ventes intérieures. Non, ça c'est sûr que c'est un secteur qui est très très névralgique. Il faut le surveiller de près parce que comme tu dis, à partir du moment où ce qu'on perd le contrôle là-dessus, ça peut être dangereux un peu. En tout cas, ensuite de ça, des statistiques sur le rendement du Canada, on s'est dit que c'est le meilleur taux, en fait le plus bas taux de chômage au pays depuis les 33 dernières années. On s'est créé 400 000 emplois depuis 2006, c'est quand même pas pire. Là, pour et combien en a été perdu? probablement au moins la moitié, certains un bon 200 000 là, facile. Mais on dit quand même que le taux de chômage bat des records de bassesse. On est très bas. Sauf que comme on dit, y a rien qui dit que l'année prochaine ça repartira pas en pire. Fait qu'il va falloir quand même être prudent là-dessus. Mais faut pas non plus tomber dans la facilité puis dire que c'est la grosse récession non plus parce que on sait que les gens sont quand même assez influençables. Puis à partir du moment où ce que tu commences à dire aux gens, dépensez plus puis faites attention puis tout, ben là le monde arrête. Vont reporter l'achat d'une voiture, vont reporter l'achat d'une maison. Et puis là, ça va. Le danger, c'est de créer une vraie récession avec de fausses. Ben ça, je dirais à ce moment-là, de dire à tout le monde de pas dépenser, ça serait pas une mauvaise affaire. Parce que le monde dépense trop c'est pour ça. Rien tout le temps. Exact. Puis ils ont jamais d'argent pour qu'est-ce qu'ils ont vraiment besoin, puis sont tout le temps en dette. Il y a du monde, c'est ça, qui vivent au-dessus de leurs moyens, ça c'est clair. C'est sûr que de nos côtés, ça affecte le marché, mais tu sais. Faut un équilibre. D'un autre côté aussi, tu peux pas avoir te faire passer de l'argent pour les choses que t'as vraiment de besoin si t'es pas déjà endetté. Tu sais, ouais. Ça va bien mal. Ouais, c'est ça. Mais il y en a qui sont endettés, qui s'endettent pareil. Tu sais, qui s'endettent encore plus. Des gens qui ont pas les moyens, par exemple, les gens sur le BS, qui reçoivent leur chèque aujourd'hui d'ailleurs. Ouais. Sur leur chèque, puis alors qu'on se parle, il en reste plus. Ouais, c'est ça. Mais ça, c'est comme le banquier qui te passe le parapluie quand il fait beau, puis il te l'enlève quand il mouille. Ça, c'est un mauvais affaire. Mais ça, c'est pour ça que. Ben, c'est vrai, hein. Quand tu vois, quand t'es flush, tes dettes sont payées, puis tout, là, tu reçois toutes sortes de demandes pour avoir des cartes de crédit ici, puis ça. Ils sont prêts à t'en passer, là, mon ami. Ça augmente. À tous les deux mois, ils t'appellent pour l'augmenter de 3 000$. Ben oui, moi j'ai une carte de crédit, là, ils m'augmentent ma limite sans même demander. Là. Je me demande si j'ai pas un recours contre ça. Parce que ça l'affecte. Oui, t'as un recours. Il me semble qu'ils sont supposés te demander si tu veux augmenter la protection du consommateur. Ben, je vais m'informer parce que peut-être on pourrait l'appeler un bon vendredi soir. Peut-être on pourrait tomber sur un autre Pierre Antonio. Tu sais que moi, ça me dérange pas parce que je m'en servirais pas à moins que. Puis de toute façon, moi, j'ai la protection contre la fraude. Fait que moi, je me sens pas concerné. Par contre, je trouve ça cool juste le fait d'être capable de pouvoir acheter un petit char. Juste avec ma limite de carte de crédit. Ouais, c'est ça. Même si je le ferai jamais. À moins que je crisse je me crisse en dehors du pays ici, puis je paye quelque chose, puis fuck it, j'en reviens plus. Tu sais que t'as la possibilité de partir sur une crise de ballon en tout temps. Ben, c'est bon à savoir, tu sais. Moi, je vais t'avouer que si j'apprendrais, mettons, que demain matin, j'ai le cancer du côlon, on va y aller dans le pays, et puis qu'il me reste 3 mois, ben regarde, je vais m'en coller, tu sais. Ouais. On va partir sur Aruba, regarde, vous m'avez loadé pour 25 000 en crédit. Checkez-moi bien faire. C'est ça. Je vais partir à ma famille, par exemple. Acceptez pas mon dossier. Là. C'est ça. Je vais vous faire des cadeaux avant, tu sais. C'est ça. C'est ça, mais faut que tu lègues à quelque chose ou à quelqu'un qui va être capable de payer. Ah, tu dis, ah, je lègue à Jean Charest. Ben oui. à la madame. Ah, pas elle. Ouais, madame Bourgette. Lâche-la. Maudite. Ben, je pense que ça va être pas mal ça, là. Il y aurait deux, trois petits d'autres petites affaires. Ça fait partie En passant pour ta récession, là. Ouais. C'est, Don Cox qui l'a prévu, qui a dit qu'il n'y aurait pas de récession. Puis Don Cox, en tant que conseiller du groupe financier de BMO, est extrêmement fiable au niveau de ses prédictions. La récession va être aux États-Unis. Ça va être une récession américaine, très faible, qui va ralentir notre marché qui risque peut-être de ralentir un peu le marché international. Mais that's it and that's all. Les seuls qui vont souffrir de la récession, c'est les Américains. Et la raison, c'est parce que leur dollar a créé la récession dans leur pays. Puis même, moi, je pense que ça va être plus un ralentissement économique qu'une récession. La récession, c'est quand même quand ça va très mal. Là, ça prend 2-3 mois dans le gros jus. Je pense qu'on va sentir une baisse de régime. L'économie aussi est rendue plus mondiale. Fait que, tu sais, ça s'équivaut à ce temps. Tout le monde, mettons, des gens qui ont des fonds communs, des REER, il y en a qui ont des fonds asiatiques. Moi, j'en ai canadiens. Tu sais, c'est diversifié. Fait que c'est rare que tout pète en même temps. Dan Bigra à boxe. Ça va, ouais. Mais Guillaume Lemaitre-Vierge. Il est partout, lui, Carlis. Excusez. Non, c'est parce que c'est vraiment un traumatisme. Ça, puis voir Marie-Claude Savard en train d'interviewer Lucienne Boutet au début, là, regarde, non, c'est comme traumatisant. Ouais. Juste une histoire rapide vis-à-vis les limites de carte de crédit. J'ai un ami qui travaille chez Electronic Arts, puis il s'est fait donner une carte de crédit corporatif. Fait que, quand il s'est fait donner la carte, il s'est fait dire, tu peux acheter n'importe quoi avec la carte. Tu peux t'acheter un char si tu veux, mais ça va être la dernière fois. Soyez-en avertis. Ben écoute, on va aller faire une petite chanson rapide. Ah ouais, après ça, on vient avec la fosse puis la couze. Ouais, on a du stock encore. Guillaume, lui, ça tourne bien. Ouais, ben moi, je t'avais pas de chronique de préparer. Non, mais en fait, parce que je suis en train de préparer un autre grand dossier, donc je vais vous le présenter, mais je vais pas faire un volet complet ce soir parce que de toute façon le temps me manque. Le temps file. Ça a passé un rythme incroyable. Sondage. Antonio. lui, pendant un instant. Le plus beau moment de radio dans Direct de nulle part depuis je sais pas combien de temps. Pendant un instant, il a dû se dire, moi, je retourne faire des pizzas, ou je retourne faire, je vais pas conduire un taxi. T'as rendu que Pat faisait un sondage avec lui, là. Ouais, c'est ça. Des questions, là, t'sais. C'est moi, monsieur, qui pose les questions. Bon. Chan Bouté arrive sur le ring à oh, même temps. Oh, yes. Fait qu'on va regarder ça la semaine prochaine, les boys. Non. Fait que, on s'en va écouter NOFX. Oh, un petit peu de NOFX. The Idiots Are Taking Over, parce qu'il y a pas mal d'élections, Poutine, ci pis ça, ça se promène pas mal ces temps-ci. Puis on va aller en campagne provinciale puis fédérale bientôt, fait que... Aussi fédérale qu'on dit pas trop, hein. Je pense qu'on est correct pour en octobre 2009, on va en campagne. Parfait, on revient tantôt. Really elementary, you just don't ever That you have to walk 2 kilometers to take your newspaper each morning? J'aime les deux. Sorry? J'aime les deux. I like the two. I like my home at El Bizarre, and I like my little shack near the river, the Saint Lawrence River, which is so nice in the morning with the sun. That is a marvelous place to live. Et de retour en direct de nulle part. Hello, Mrs. Cousineau, how are you today? Fuck la chronique, oui, je me lâche dans le buffet. On te l'avait dit, Botrax, de pas amener de crotte au fromage. Hey, avoir su, je m'aurais mis sans tes jambes. Ça m'aurait pas empêché d'aller chercher, donc, croyez-moi. Hey, Madame Cousineau, on n'a pas beaucoup de temps encore une fois cette semaine. Je sais que je suis grosse, dis ça, pas grave. Qu'est-ce qui se passe de bon dans le showbiz? Attendez, je retrouve mes feuilles, là, c'est tellement bon. Ah, ça. Pis toussez-moi donc un petit coup, là. Ah, pis du coke à vanille en plus. Mon Dieu, que ça sent drôle dans le studio. Mais ouais, ça. Non, ça, c'est parce que Pierre est passé tantôt. Vous serez jamais capable de faire une fausse sceptique. M'a me grouiller comme ça se peut pas. Ce soir, je vous annonce une grande primeur que Boom Desjardins a réglé ses problèmes de cours. Oh, Boom! Oui, vous savez que Boom Desjardins avait annoncé qu'il était en dilemme avec déjà communication musique. Oui. Oh, c'est bon, des chips au vinaigre. Il y a pas de vinaigre après ça, hein? Non, c'est les chips nature. Ça, c'est la... Vous l'avez tout sucé avant d'ouvrir le sang. Ben, j'ai du dip. Mais c'est la petite poudre qui se ramasse en dessous de mon partiel qui devient bien acide puis ça me fait des chips au vinaigre. Mais qu'est-ce qui se passe, continuez? Oui, Boom Desjardins. On a réglé hors cours parce qu'on avait eu des problèmes avec l'ancienne compagnie qui voulait plus les payer. On s'appelle que Boom se battait. Il aurait voulu lui... On lui avait promis de payer ses notes de service de chambre d'hôtel pendant sa tournée Moonbox qu'il avait partagé le spotlight avec le très énergique Danny Bédard. Et là, c'est allé devant la cour. On n'a pas voulu dévoiler les montants, mais on a dit que c'était plus que 20 000 $ mais moins que 30 000. Alors, c'est quelque part là-dedans. On sait également que Charles Lafortune est pas lourde. ont été aperçus dans des endroits privés. Et puis, semblerait-il, là, c'est une primeur que je vous donne. Oh oh! Paul Oud est un snobisme abominable. Ah, ben là, c'est pas une primeur, ça. Oui, saviez-vous? Ben oui. Hé, hey, écoutez, quand tu rencontres l'équipe de La fin du monde est à 7h et que la seule personne que t'as pas pu parler, c'est Paul Oud, il y a un problème à quatre parts. Ben, vous me faites penser à quelque chose, là, parce que vous savez, il est sur le plateau avec Charles Lafortune pour l'émission Le Cercle. Oui, effectivement. On dit que Paul Oud, pendant toute l'émission, n'aurait pas parlé une seule fois aux participants. Une seule fois pendant tout l'enregistrement, il les a ignorés. Et sauf quand la caméra était ouverte, effectivement. Évidemment, pour le Kodak. Mais ça renuit pas mal à Paul Oud, qui était en pleine renégociation avec Lafleur pour ses films et ses spotlights sur les patates frites puis les hot dogs. On dit qu'on voulait reconduire une autre série de pubs de roteux, mais là, on sait plus si ça va se faire. Sérieux, là? Oui, puis Paul Oud, depuis le retour au 98.5, il est devenu très, très populaire. Très, oui. C'est un revival pour lui. On est très content. En plus, il y a un rôle vedette dans la série Les Boys. Oui, ça aide. Pas négligé. Et il est très sexy. Puis son frère. À ignorer le monde comme ça, il se prend par un autre, lui, là. Mais je pense qu'il est de famille, ça. Ah. Ensuite de ça, une grosse nouvelle sur Marie-Chantal Toupin. Ah oui, Marie-Chantal Toupin. Elle est tout plein, oui, c'est son soutien-gorge qui est tout plein. On a appris qu'elle est allée se faire cette semaine. Pas des boules. Beaux gros nichons. Ah. La belle-sœur de mon Titien a travaillé dans une clinique dont je vais taire le nom, mais on parle ici d'un budget avoisinant les 12 000 $ avec une garantie quantum sur les caps de sac. Ça va être beau, du beau travail, puis on va suivre ça dans les prochaines semaines parce qu'on travaille aussi sur le prochain album et toute l'image du prochain album avec un album qui s'en vient et un titre temporaire Pin-up, je pointe au firmament. Mais ben ça, ouais, c'est un là, work in progress. Ben ouais, mais là, okay, ma grosseur de boule qu'il y a, il y a du travail en maudit pour la faire fitter sa pochette du prochain album, là. Non, mais, hey, tu sais, cette fille-là, elle avait réussi en se débarrassant de son gérant, quand même, à se faire une carrière, je dirais, potable. Mais elle est de retour. Son chum. Elle est de retour avec son gérant. Là, elle est de retour avec son gérant. Oui, elle va faire ben ses oui. boules, elle s'en fait faire son image. Mais c'est son chum qui a eu l'idée, puis... Ben ouais, check. Il a dit, garde, fais-toi faire ça, puis moi, je vais tout vérifier ça si c'est du beau travail. Ensuite de ça, vous savez, TQS, comment ça m'accroche, cette histoire-là. Ça me rend triste, très triste. Alors, cette semaine, on a déposé des offres pour acheter TQS. Ça fermera pas, c'est sûr. Bon. Ben, en tout cas, il y a quatre groupes... ont posé des offres. On a parlé de Roger, on a été les premiers ici à sortir la nouvelle, je pense. Ensuite de ça, on avait la compagnie de Monsieur Communication, là, Radio Nord. Jean-Luc Mongrain serait également dans un consortium privé secret. On a-tu Céline Dion? Céline n'est pas là encore. À moins qu'elle fasse partie du consortium de Jean-Luc Mongrain, qui s'appelle le consortium de l'Île des Sœurs. Céline, c'est TVA all the way. Oui, c'est vrai, elle serait en conflit d'intérêts. Vous avez bien raison. Guillaume, vous connaissez la business. Mais oui. Ça paraît que vous écoutez ça, les showbiz. Un actionnaire mystère aussi qui veut pas qu'on dévoile le nom, alors ça pourrait peut-être être né. Encore là, on peut acheter tout ça puis vouloir faire un parking avec. Ça pourrait être aussi une possibilité. Puis René aurait peut-être les moyens de le faire. En tout cas, on va suivre ça des prochaines semaines. Mais soyez-en certains que si Jean-Luc Mongrain se mêle de ça, ça va aller très loin. Parce que Monsieur Mongrain, il voit tout ce qui se passe, lui. Lui, il se trompe jamais sur ces affaires-là. Non, hein. Puis d'ailleurs, pour les fans de Jean-Luc Mongrain, là, il y a des très bons vidéos de lui sur YouTube. C'est sincèrement, c'est... Il y a des vintage. Oui, des vintage. Ça vaut de l'or, ça vaut. Vous allez voir Mongrain de sel, c'est des belles années, ça. On voit que le gars, là, il a pas... Mongrain de sel. C'est pas juste fait coller une réputation comme ça, il l'a construit. Non, il l'a décollé. Alors moi, là-dessus, je m'en vais manger des chips. Puis nous autres, on fait la fausse. Oui, on va faire de la fausse. Oh oui, gars. Salut tout le monde. Bon, bouvrez-moi à face. Ah oui, il y a bon. Ça va être Pâques bientôt, là. C'est un grand jour. Et ça arrive aujourd'hui. Eh oui, votre fosse sceptique est bouchée. Oh non. Et c'est l'heure de la pause. Oui, fausse tout à fait spéciale ce soir, parce que ça fait deux fois que je la mets dans la playlist, puis elle veut pas s'inscrire. Je vais réessayer l'autre une fois. Une fausse, pas de fausse. Ouais, c'est bien parce que... Ça fausse pas, cette affaire-là, ça marche pas. C'est une fausse invitée, comme dans on le dit. Temps, là, on faisait ça sur papier, puis ça marchait. Ouais, c'est ça. dans le temps, c'était sur des petites disquettes, là, puis ça allait donc. Ah, je pense qu'on l'a, ce coup-là. Ça, c'est, si c'est elle, là, j'espère. C'est notre ami Botrax qui est venu faire un tour ce soir, qui nous a amené ça. Oui. Ben, moi, je l'ai suggéré pour la force, pas parce que c'est vieux. Ça vient, c'est une pièce comédique, mais je l'ai suggéré pour la force parce que ça a une qualité fausse. Ouais, moi, j'ai rien que quelque chose à dire. Charles Lafortune, si tu penses que Stage Lacroix s'est fait connaître avec tes lettres, t'es dans le champ, man. Parce que Lacroix, en 1999, moi pis Dan, on le faisait spinner à Nowhere Radio. Et en 2001, à peu près fin 2000, début 2001, Cool 98.5 passait la chanson que voici. La voici, voilà. Petite patate. C'est ça, hein? Petite patate. Petite patate. Petite patate. Petite patate. Petite patate. Petite patate. Le midi, quand j'ai une fringale, moi je mange des petites patates. Petite patate. Petite patate. Petite patate. C'est ça, ça marche. C'est la fausse, mon ami. C'est la fausse à souvenir. Ça a une qualité typiquement fausse. C'est une chanson à texte. Mais ça, ça date quand même de quoi? De 2001, 2000? 2000 au moins. 99. Mais on spinait ça à Nowhere Radio la première année. 99. Moi, j'avais entendu ça avec Test Demi. On était dans le char. On revenait de Québec. On entendait ça dans le char. On était quand même assez proche de Québec. On m'en souvient plus qu'une année, là. Ça doit être à choix. Je pense que oui. Ça doit être on a trouvé ça atroce. Ah, écoute. Là, chance que vous n'ayez pas de lame de rasoir dans l'auto, hein. Sinon, ça aurait été l'hécatombe. Si, ouais, ça aurait fait une petite scène de la Pulp Fiction que, hey, il faut qu'on débarque. C'est au moins un friendly. Je suis de pétard. Hey, c'est de la chanson à texte, hein. Yes. Stage Lacroix, en tout cas, si c'est bien lui qui l'a fait, je pense pas que c'est lui. Oui, c'est Stage Lacroix qui l'a fait. Dans ce temps-là, il se faisait encore appeler Stéphane Lacroix. Ouais. Ça pognait pas, puis finalement, ben là, il s'appelle Stage Lacroix, puis il pogne avec tes lettres, puis 1, 2, 3, 4, 5 bières, puis comment faire une chanson. Vidéoclip qui est disponible sur notre site web en passant. Ça vient d'où, Stage? Stage, ben, il vient d'ici, il vient de Montréal. Non, il vient de Québec. Ouais, non, ouais. Non, mais le nom Stage, pourquoi il s'appelle Stage? Oh là? Boy. Ça c'est une bonne question. Je me souviens plus de la réponse. Je pourrais demander en personne. Hein? Ben là, il est déjà. Je demanderai avant d'aller l'étrangler pour avoir. Non, il est pas difficile à rejoindre Stage. Je pense que, ouais, je vais essayer de le rejoindre, puis essayer d'avoir une entrevue pour la semaine prochaine avec. Ben. Vous envoyez ça? Ben. Attends une couple de semaines, le temps qu'on digère, ça tourne. Ouais, parce que c'est les patates, c'est pas compliqué à... Non, mais faudrait savoir, peut-être, y poser en question, d'où ça vient, ce nom-là, là, parce que Stage... C'est peut-être que t'allais faire un stage, un moment donné à Chouet, puis on dit, bah, ça va être Stage, ton nom. Marteau Napoli, veut dire, c'est aussi, ça revient de loin. C'est un nom là. Purement italien inventé. Ouais, c'est ça. Dis qu'il y a du monde qui appelle, non, mais moi, je vais avoir une pub par un vrai italien, là, comme Marteau Napoli. Ok, c'est ça, tu sais, moi t'arranger ça, tu sais. Je suis pas italien, mais. Son vrai nom, c'est Martin Castonguay, tu sais. Ouais, c'est ça, exactement. Mais ça. Marteau Napoli, Martin Castonguay. Ça a duré longtemps avant que le monde sache la réalité. Je suis un Italien, ouais. Québécois. Un franco-québécois italien. De l'Amérique du Nord. Hey les gars, c'est bien triste, mais je pense qu'il va falloir aller faire un petit tour de flow. Bon. Ah oui, il faut aller reporter gueule, faut aller reporter ouais. Botrax, faut que tu me laisses chez nous. Hey, merci bien Botrax d'être venu. Merci d'être passé. Ouais. Hey, moi, tout ce que je voulais, c'est tinker un petit peu avec vous autres en jour. Hey, oui, c'est pas fini, on va aller rechercher d'autres séries films. Oh yeah! Pouvoir repasser l'enregistrement, je repasserai juste ce petit bout-là, vous montrer comment il était content de tinker avec nous autres en show. Merci à vous, chers auditeurs. Hey, salut gang, à la prochaine, bonne chance à vous autres, je vais essayer de vous donner des nouvelles, je vous adore. Puis toi, peace mom, à la semaine prochaine, tu vas revenir la semaine prochaine. Non, c'était madame, c'était madame dernière. On va s'en sortir. Tu vas être là. Merci à Tactical FM qui rediffuse. Nos amis aussi de radiosphère.ca, de Franco Radio, XL Tracks en français. Manquez pas Double B si vous voulez entendre du nightlife. C'est à 23h. Sinon, ben, il y a Bomb Semaine qui joue dans 2 minutes. Ouais, exactement. Puis, le gala de box, Luchan Bouté contre Joppy. Allez écouter ça à TVA. Ah ouais, Elisabeth Blouin-Bertouet. Ça commence, là. Oh yes. Bon, ben, ça marche, ça. Fait que. À la semaine prochaine. Et Botrax, tu viens quand tu veux, man. Ah oui, Chris, t'es à côté de chez nous. Ben oui, c'est à côté. C'est... Yeah! On va faire du pouce, on te ramasse. Ouais. Ciao, bonne semaine tout le monde. Ciao. quand j'ai le goût de me taper un hostie bon roteux dans la gueule pis dans la bouche, ben je mords pas ma chatte. Pis quand j'ai le goût de chier par les deux bouts, ben je me rends chez Lafleur. Parce que chez Lafleur, c'est la place. Que j'envoie un passant en avant de moi à caissière, j'y pisse dans la fesse direct avec ma fleur. Stimé ou pas, Lafleur, c'est ma place à moi. Préfère le goût d'un bon stimé de chez Lafleur. Cette annonce vous a été présentée grâce au laboratoire Garnier. TacticalGM.com. Dénoncez la désinfo. Je vous invite à écouter mon nouveau show Bonne Semaine parce que c'est très bon. Ailleurs. Mais quoi? Mais non, mais t'es humble, c'est pas très bon, c'est du jamais vu. C'est peut-être ça, mais je peux pas dire ça. Ben oui, oui. Puis je vais le dire, c'est le meilleur show de la vie. Ben là, j'aime pas que n'importe qui dise du bien de moi, mais là, ça vient pas de n'importe qui. Bonne Semaine, la radio anti-spin, tous les dimanches, 20h. Ben là, ben merci. TacticalGM.com. Dénoncez la désinfo. TacticalGM.com est un regroupement d'émissions de radio maison diffusées en podcast, c'est-à-dire en format MP3, téléchargeable et gratuit. Visitez www.tacticalgm.com pour plus d'informations. C'est vous, mon ami. Belle game. On va les avoir, les gars. On va les avoir. Ça, c'est que le premier. Belle game. On les a battus.